chers collègues, je vais procéder à l'appel nominal. Tony Di Martino présent, Olivier Tarabella présent, Madame Chahir, Édouard de Nouel, Émilie Trigot, Vincent Doucissé, John Gibiro, Cédric Pape, présent. Yasmina Sadoud a donné pouvoir à Édouard de Nouel, Choki Haddad, présent. Edith Félix, Brahim Accour, Merlin Georges, présente, Grégoire de la Gainerie, Anne Gerval, Brigitte de la Perelle, Daouda Keïta, Jean-Claude Oliva, a donné pouvoir à Edith Félix, Valérie Bille, Yala Nadino, Abdelkrim Karmaoui, Anne de Rugy, Frédéric Gabin, Ndeye Mariam Diop, Kaline Tribic a donné pouvoir à Olivier Tarabella, Hamid Chahir a donné pouvoir à Elham Chahir, Mamadou Silla, Manon Chrétien, Hissène Ounissim a donné pouvoir, Zora Kelly, Mona Bellil, Mohamed Jenan, Sébastien Stalens, Pierre Vionnet, Laurent Jamet, Angéline Desbordes-Silly, Raquel Garrido, présente. Claire Laurence a donné pouvoir à Sébastien Stalens, Solène Le Bourris. Donc, mesdames, messieurs, avant d'ouvrir ce conseil municipal, je vais introduire et je vous proposerai, si vous en êtes d'accord, à vous, élus d'opposition qui avez déposé un vœu, que l'on examine votre vœu en début de séance, au moment de la minute de silence que nous allons proposer en mémoire d'Ibrahima. La semaine dernière, dans la nuit du lundi 20 au mardi 21, un terrible drame est survenu. Un jeune homme est mort. Il s'appelait Ibrahima. Il était un jeune homme brillant qui irradiait par sa joie de vivre. Il était un ami fidèle et dévoué. Il aimait la vie. Lundi soir dernier, elle lui a été enlevée alors qu'il rentrait chez lui après avoir assisté à un entraînement de foot d'un de ses amis. L'horreur. Une altercation, une agression, des coups, une arme blanche, la mort. Un terrible enchaînement qui emporte la vie d'Ibrahima. Il avait 16 ans. Comment expliquer l'inexplicable? Comment justifier l'injustifiable? Aujourd'hui, solennellement, je veux redire à sa mère, à son jeune frère, à toute sa famille et à ses proches, nos condoléances sincères, nos pensées affectueuses et notre totale solidarité. Nos filles et nos fils méritent mieux. Ils sont le cœur battant de notre pays. Peu importe les prénoms, les origines, les croyances, nos différences, quelles qu'elles soient, ils sont le reflet de notre diversité. Ils sont notre avenir, ils sont la France. Ces dernières années, les drames se multiplient. Trop nombreuses ont été les familles endeuillées. Samedi dernier, à la demande de la famille, nous avons organisé une marche blanche pour nous recueillir et rendre hommage à Ibrahima. Nous y étions près de 400. À cette occasion, l'oncle d'Ibrahima nous rappelait que le drame qui est survenu marque la faillite du monde des adultes qui aurait dû protéger celui des jeunes, des enfants et adolescents de la violence de notre société. La responsabilité est collective. Nous n'avons pas su protéger Ibrahima de cette violence. La responsabilité est aussi individuelle. Chacune et chacun porte en lui une part de responsabilité dans cette propagation de violence dans notre société. La responsabilité n'est pas un vain mot. La ville aussi porte une part de responsabilité, bien entendu. Au temps des hommages et du recueillement doit suivre le temps de l'action. Des actions de prévention, des actions de médiation permettant la rencontre entre jeunes de quartiers différents à accompagner les parents, à créer des passerelles là où certains voudraient construire des murs. Mesdames, messieurs, chers collègues, Bagnolet est endeuillé. Bagnolet fait sien l'appel de la famille d'Ibrahima pour que plus jamais un tel drame ne se reproduise. Pour lui rendre hommage, pour saluer sa mémoire, je vous propose de respecter un moment de recueillement et ensuite je vous donnerai la parole. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc je vais donner la parole à Chouki Haddad, à Émilie Trigot ensuite, et ensuite au groupe Ensemble pour Bagnolet pour la présentation de son vœu. Chouki. Merci Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, chers collègues. Comme beaucoup de Bagnoletais, c'est avec émotion et tristesse que nous avons appris le décès d'un jeune adolescent âgé seulement de 16 ans, lundi 20 septembre dernier. Mes pensées vont en premier lieu à sa famille ainsi qu'à ses proches, à qui je renouvelle mes condoléances. Il s'agit d'un jeune Bagnoletais victime d'une agression à l'arme blanche ayant entraîné sa mort, malgré une prise en charge rapide des services de secours. Son agresseur présumé est un jeune adolescent habitant les Lilas et âgé de seulement 17 ans. C'est terrible de perdre un enfant dans ces conditions et nous attendons avec impatience que la justice fasse toute la lumière sur cet événement tragique. La victime s'appelait Ibrahima. Ses proches le décrivent comme quelqu'un de sérieux, humble, toujours à l'écoute de ses voisins, de ses amis et de tous. Avec Monsieur le maire, Tony Di Martino, ainsi que ma collègue élue, Émilie Trigot, et moi-même, nous nous sommes rendus aux côtés de la famille et de ses proches à qui nous avons présenté nos condoléances en votre nom à toutes et à tous, et les avons assurés du soutien total de la municipalité face à cette épreuve. Nous mettrons tout en œuvre pour accompagner sa famille. Le temps est au recueillement et à la tristesse, mais il est aussi à l'incompréhension totale face au crime perpétré par un jeune adolescent de 17 ans. Les jeunes n'ont pas inventé la violence, c'est le monde dans lequel nous vivons qui le leur a appris. Face à ce monde de plus en plus violent et incertain, nous devons construire ensemble des réponses durables face à cette violence pour que plus jamais un enfant de Bagnolet, des Lilas, de Montreuil ou d'ailleurs ne meure de cette façon. Après le temps de l'émotion, vient donc le temps de l'action politique et de l'action municipale. Vous le savez, il ne s'agit malheureusement pas d'un événement isolé. Ce drame s'ajoute malheureusement à toute une série d'événements similaires, et en particulier dans nos quartiers, mais également dans nos villes voisines. Nous allons donc repenser l'action municipale sous l'autorité du maire en matière de politique jeunesse et de vie sociale des quartiers, en étroite collaboration avec nos partenaires sociaux, ainsi qu'avec tous les acteurs locaux concernés. Il en va de notre responsabilité collective. Nous avons déjà pris attache auprès de nos homologues des villes voisines pour penser et construire ensemble des actions communes. Des solutions existent et elles ne demandent qu'à être déployées. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs déjà été mises en œuvre au niveau local, à Bagnolet, à Montreuil, avec des résultats probants, mais aussi au niveau national, et elles ont toutes démontré leur efficacité. C'est le cas par exemple de l'association de prévention intercommunale et citoyenne à Bagnolet et à Montreuil, l'APIC, qui a vu le jour il y a plus de 10 ans, en 2010. Il s'agissait d'une mobilisation citoyenne de parents des quartiers de la Noue à Montreuil et du quartier des Malassis à Bagnolet. L'objectif était de répondre à la violence croissante entre les jeunes de ces deux quartiers. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail remarquablement mené par les militants locaux connus et reconnus de tous aujourd'hui dans nos quartiers, sur le terrain, tout comme au niveau national. Grâce à un travail de terrain et à un investissement total, le conflit entre ces deux quartiers a cessé. Ce travail a été mené de bout en bout par les citoyens concernés en premier lieu, sur le long terme, à savoir les jeunes, leurs parents, les habitants des deux quartiers, et bien sûr avec le soutien des municipalités de Bagnolet et de Montreuil. Cet exemple existe également dans le Val-de-Marne, dans les communes de Champigny-sur-Marne et de Villiers-sur-Marne. C'est encore et toujours grâce à la prise de conscience des premiers concernés et à l'intervention de citoyens engagés que des solutions émergent, et le rôle des municipalités est de soutenir et d'encourager ces initiatives. Nous apprenons que des jeunes issus du quartier du Plateau ont créé une association de médiation nommée Médiaction. Il s'agit de jeunes femmes et de jeunes hommes originaires du quartier où vivait justement Ibrahima. C'est concrètement ce genre d'initiative autonome et spontanée que la municipalité doit et devra encourager à l'avenir, tout en continuant à soutenir l'effort et l'excellence du service public au sein de nos quartiers populaires. Au niveau local, à Bagnolet, nous disposons de 5 centres socioculturels ainsi que d'une antenne de quartier. Je profite de l'occasion pour remercier et saluer le travail réalisé par nos agents municipaux du service, toutes ces femmes et ces hommes qui s'investissent pleinement pour animer la vie sociale dans nos quartiers. Ces structures qui accompagnent le quotidien des habitants de nos quartiers populaires sont en première ligne et constituent un véritable levier permettant d'apaiser les tensions. Nous devons leur permettre de travailler dans de meilleures conditions afin de fournir un service public toujours plus proche et plus adapté aux besoins de la population. Nous allons également mettre en place un cycle de formation spécifique sur le sujet des violences interquartiers pour accompagner davantage nos agents municipaux au sein de ces structures. Avec le maire, nous travaillons également sur le déploiement d'un dispositif de prévention et de médiation dans nos quartiers en lien étroit avec nos centres socioculturels. Cela va nécessiter l'implication de tous nos partenaires sociaux et de l'État afin de nous aider à supporter le coût induit par la mise en place d'un tel type de dispositif, compte tenu de l'état actuel des finances de notre ville. Ces mesures vont s'inscrire dans le cadre d'un dispositif plus large pour permettre à la municipalité d'agir en matière de lutte face aux violences interquartiers. Rendre la ville à ses habitants, c'est être à leur écoute et les accompagner tout en leur donnant les moyens d'être à la base de ce dispositif de lutte face aux violences interquartiers, mais aussi de tous les domaines de l'action municipale. Pour conclure, et vous en conviendrez, personne ne peut prétendre détenir la solution miracle qui mettrait un terme à ce type de drame au sein de nos quartiers populaires. Il est néanmoins de notre responsabilité, sous l'autorité du maire, de tout mettre en œuvre afin de faciliter et d'accompagner les collectifs citoyens, mais aussi de proposer des solutions concrètes. Je vous remercie. Merci, Chokie. Émilie Trigo. Merci, mesdames et messieurs, chers collègues. Je ne retire évidemment rien à tout ce qui a déjà été dit par Chokie, par monsieur le maire, et notamment quant à la responsabilité, partagée certes, mais qui est aussi la nôtre. Et aujourd'hui, la question est donc celle de s'interroger sur ce que nous avons fait jusqu'à présent. Le but ici n'est évidemment pas de lister les dispositifs déjà en place, mais plutôt de nous demander comment faire autrement à l'avenir, puisque effectivement, pour le moment, ça n'a pas totalement porté ses fruits, évidemment. Il est donc de notre responsabilité d'agir dès aujourd'hui de manière encore plus prégnante que précédemment, et c'est ensemble, ville, services de l'État, établissements scolaires, associations de quartier, que nous devons agir. À ce titre, il me semblait important de porter à votre connaissance quelques éléments rapidement ce soir d'actions qui sont déjà prévues ou en cours de l'être. Tout d'abord, s'est tenue cet après-midi une réunion conjointe des deux CLSPDR de la ville des Lilas et de la ville de Bagnolet à la mairie des Lilas, en présence des deux maires, d'élus, du sous-préfet, des responsables des principaux et proviseurs des 5 établissements scolaires des villes des Lilas et de Bagnolet, d'associations de prévention, notamment rue et cité, d'associations d'habitants. C'était une première réunion qui en amènera d'autres, notamment dans chacun dans nos villes, mais qui était importante de faire dès aujourd'hui. D'autre part, il sera présenté au conseil municipal, peut-être pas au prochain conseil, peut-être au suivant, une convention tripartite qui engagera le département, la ville et l'association de prévention déjà présente sur Bagnolet, rue et cité, mais dans le cadre d'une convention tripartite dans laquelle sera cité de manière beaucoup plus précise les éléments concrets et les projets à mettre en œuvre dans les années à venir dans nos quartiers. Nous allons réadhérer au Forum français de la sécurité urbaine. Et enfin, une proposition a été faite de sensibilisation dans les établissements scolaires par le commissaire quant au danger des armes blanches auprès des élèves. Et puis, évidemment, en lien avec ce qui a déjà été précédemment dit, j'ai pris attache avec mes homologues de la ville des Lilas dans un premier temps, donc Madame Yayaoui, en charge des politiques de prévention et de médiation, et Monsieur Lafeuille en charge de la tranquillité publique, avec qui j'aurai de nouveau rendez-vous dès demain pour voir à court terme ce que nous pouvons mettre en place entre nos deux villes. Et il va de soi que ce travail fait avec la ville des Lilas devra s'élargir avec nos autres voisins, Montreuil, Romainville et le Pré-Saint-Gervais, avec qui je suis en contact avec Madame Bertin, Monsieur Sedge et Monsieur Commun. Je vous remercie. Merci, Émilie. Vous avez la parole pour présentation de votre... Mes chers collègues, nous étions, comme l'ensemble des Bagnoletaises et des Bagnoletais, samedi dernier à la Marche Blanche, qui était organisée à la demande de la famille. Et je crois qu'on a tous été impactés par non seulement l'émotion extrême dont nous étions témoins ce jour-là, mais aussi la volonté des voisines, des voisins, des familles, des amis, des jeunes, de s'impliquer personnellement et directement pour mettre fin au cycle de la violence. Il y avait ce jour-là des parents de familles déjà meurtries. Il y avait la maman du jeune Kevi. Il y avait la famille aussi du jeune Abou. Et je crois qu'on a tous été bouleversés et vraiment impactés lors de la prise de parole de l'oncle d'Ibrahima, Ousmane Diaïté. Et lorsqu'il a dit que la mort d'Ibrahima était notre échec à nous, au monde des adultes. Il a donné ce jour-là, il a délivré un message très puissant, je crois, aux jeunes qui l'ont entendu, je crois, très fortement en leur disant « La mort d'Ibrahima, c'est notre échec à nous, du monde des adultes. C'est nous qui avons échoué. » Il a beaucoup parlé de responsabilité, de responsabilité. Et les parents qui étaient là, la famille, ceux d'Ibrahima et puis ceux des morts antérieurs, ont tous dit qu'ils craignaient que suite aux condoléances, suite à cette émotion très vive ce jour-là, suite aux déclarations qui évidemment sont sincères et viennent de toutes parts, qu'on revienne à la gestion du quotidien dans un contexte d'appauvrissement des services publics, d'options pour des logiques de sécurité qui réduisent la part de l'humain pour s'attacher à des choses plus matérielles, plus techniques, comme la vidéosurveillance, les portiques ou la police municipale, ce genre de choses. En tout cas, nous a semblé, et on vous remercie d'avoir mis ce point à l'ordre du jour en entame du conseil municipal, c'était notre demande, parce qu'il nous semblait qu'il fallait que le conseil municipal accepte de se regarder dans les yeux et d'accepter sa part de responsabilité. Je pense que cette acceptation a été faite dans vos interventions liminaires et nous vous en remercions. Je pense, du coup, on propose que le conseil municipal adopte le vœu que nous vous proposons et dont je vais faire une lecture rapide. Considérant que Ibrahima Kandji était un jeune bagnoletais de 16 ans qui a été tué le 20 septembre au Lila par un jeune du même âge que lui. Considérant qu'ayant procédé à une minute de silence en début de séance, le conseil municipal partage l'effroi et la douleur exprimés par les bagnoletais suite à ce décès et transmet ses sincères condoléances à la famille d'Ibrahima ainsi qu'à ses amis, ses camarades de classe et de football. Considérant que les habitants de Bagnolet ont été très nombreux à se rendre samedi 25 septembre à la marche blanche dédiée à sa mémoire, avec comme unique message « Plus jamais ça ». Et que cette forte mobilisation est saluée par le conseil municipal, tout comme les paroles de l'oncle d'Ibrahima, M. Ousmane Diaïté, qui a rappelé que la violence entre adolescents est un échec des adultes et le reflet de la violence qui existe dans la société par la faute des adultes. Il a invité les jeunes à rompre le cycle de la violence pour montrer aux adultes comment changer. Considérant que le conseil municipal fait sien cet appel à rompre le cycle de la violence, qu'il mesure pleinement la responsabilité qui repose directement sur lui et sur les institutions politiques, administratives et éducatives compétentes sur les territoires de Bagnolet et des Lilas, le conseil municipal s'engage à ne pas en rester aux hommages et aux condoléances, à prendre toute mesure susceptible de déconstruire les logiques d'affrontement territorial pour mettre un terme à la violence. Il s'engage à renforcer les outils qui sont sous sa responsabilité, comme les centres de quartier, à développer des programmes éducatifs interquartiers, à renforcer les capacités éducatives des familles par l'aide à la parentalité et à soutenir les initiatives de médiation qui doivent être mises en place rapidement, en prenant appui en tout premier lieu sur les parents et habitants de Bagnolet et des Lilas. Je vous remercie. Je propose de passer aux voix sur ce vœu. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, nous allons à présent désigner notre secrétaire de séance. Je propose de désigner Frédéric Gabin. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Point numéro 1, approbation du compte-rendu du conseil municipal du 12 juillet. Il n'y a pas eu de remarques. Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération numéro 2. Il s'agit de désigner les représentants de la ville au syndicat Autolib et à Vélib Métropole Donc nous proposons de désigner en titulaire Edith Félix et en suppléant Anne de Rugy. Est-ce qu'il y a des observations ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, approbation de l'accord cadre relatif à la fourniture des denrées alimentaires à l'assistance technique pour la restauration collective municipale. Olivier. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, vous le savez, la cuisine centrale de Bagnolet est un des outils dont nous sommes particulièrement fiers. C'est l'une des rares villes encore qui a un usage d'une cuisine centrale et qui, en plus, en fait un usage qui va au-delà du seul public scolaire, avec notamment le portage de repas à domicile, la butte au pinson et d'autres activités qui sont assurées par la cuisine. Nous avons souhaité, à l'occasion du renouvellement du marché sur les denrées alimentaires, élargir notre réflexion à l'amélioration du fonctionnement de la cuisine, amélioration sur le plan administratif, comptable, à la fois pour retrouver une meilleure fluidité dans l'organisation, mais aussi pour faciliter l'intégration des attendus de la concertation qui a eu lieu en 2019 avec les parents d'élèves sur la qualité des repas qui étaient proposés, notamment dans la restauration scolaire, avec la question des sauces, la question du sel, la question de la qualité des produits eux-mêmes, la question de la manière dont on cuisinait, la diversité des menus. L'ensemble de ces questions ont été intégrées. Et la ville a aussi souhaité, à cette occasion, simplifier l'organisation de la cuisine sur le plan administratif et comptable pour gagner en efficacité et en efficience et ainsi conserver de manière pérenne un outil qui nécessitait, de ce point de vue, d'être optimisé. C'est la raison pour laquelle le marché ne porte pas exclusivement sur la fourniture de denrées, mais porte également avec une partie AMO sur l'accompagnement des services de la cuisine centrale, dans la gestion des stocks, l'organisation de justement la programmation des denrées, la définition des repas en lien, enfin des menus, pardon, en lien avec un diététicien, bien entendu. Tout cela se faisant sur la base d'un coût repas qui permet d'avoir une projection, une prévisibilité budgétaire particulièrement fine, et une simplification administrative et comptable, puisque d'un marché où nous aurions pu avoir 22 lots et près de 150 factures par semaine, nous avons, avec ce système, un fournisseur unique, avec donc une seule facture par mois, et donc une forte simplification de ce fonctionnement. Cela devrait permettre de limiter à quasiment zéro toute dépense hors marché sur ce poste, et donc d'améliorer effectivement la partie budgétaire et puis sur le plan comptable, une simplification, je le disais, pour nos services. Sur la partie denrées, nous avons rehaussé l'ambition du cahier des charges. Nous avons eu l'occasion de l'évoquer en détail à l'occasion de la CAO. Je ne vais pas détailler outre mesure, simplement signaler que l'alimentation est aussi quelque chose qui doit se faire dans la pédagogie, raison pour laquelle le candidat qui a été retenu, que nous avons proposé, qui est la Sodexo, propose 30 jours d'animation par an dans l'éducation au goût, avec des repas à thème, avec un certain nombre d'autres activités. Idem d'ailleurs pour les seniors, avec des repas également à thème et un certain nombre de paniers de saisonnalité pour leur permettre de bénéficier d'une variété, évidemment, dans la proposition qui leur est faite. 52% de l'alimentation proposée sera une alimentation durable, 60% pour les seniors, puisqu'on peut élargir un certain nombre de produits qui ne sont pas possibles dans la restauration collective pour les enfants. Dans cette qualité rehaussée, les légumes qui seront fournis en quatrième gamme, c'est-à-dire qu'ils seront déjà, ils seront bruts, ils seront épluchés, prédécoupés et fournis tels quels à la cuisine centrale, qui elle seule les cuisinera et les produira, ce qui nous permet, parce que la légumerie de la cuisine centrale est très petite, de nettement augmenter les capacités de la cuisine à fournir de la diversité sur les légumes et à pouvoir cuisiner des produits qui n'étaient pas cuisinables aujourd'hui parce que en préparation intégrée, elle n'est pas en capacité de fait de l'espace disponible de le faire. 60%, 75% de ces légumes seront frais. S'agissant de la viande, 100% de la viande sera fraîche, c'est-à-dire non surgelée, elle est évidemment fraîche sur le plan sanitaire. 100% de race française, charolaise pour le bœuf, 100% muscle, les volailles, l'agneau et le porc seront 100% label rouge, les poissons seront à 100% issus de la pêche durable, et pour les seniors, il y a un certain nombre de produits nouveaux, notamment des fromages AOP, AOC, donc qui viennent aussi répondre à une demande de monter en gamme sur un certain nombre de produits qui leur sont spécifiquement proposés par rapport à ce qui est possible en milieu scolaire. Exclusion totale sur l'ensemble des produits proposés, des OGM, des produits qui contiennent de l'huile de palme et des produits qui sont ionisés, c'est-à-dire des produits qui ont subi un traitement par irradiation de manière à permettre des voyages longs. C'est par exemple l'agneau qui vient de Nouvelle-Zélande, il survit 45 jours dans un bateau parce qu'il a été irradié. Voilà. La fin aussi du plastique dans les contenants, nous allons passer à du 100% biodégradable, que ce soit par cellulose de bois ou par d'autres matériaux, mais en tout cas la suppression des plastiques conformément au cadre fixé par la législation. Et 30% des approvisionnements se feront à moins de 150 km de la ville de Bagnolet. C'est donc à la fois sur le plan de la qualité des produits, de leur impact environnemental et de l'apport pédagogique de la restauration que nous avons souhaité monter en gamme sur ce marché. Et c'est dans ce cadre que nous avons proposé en CRO que la société Sodexo soit donc le fournisseur. Et je précise bien, s'agissant d'une société qui s'appelle Sodexo, M. Jamais a rappelé en CRO ce que pouvaient être nos souvenirs communs de Sodexo dans d'autres communes. C'est évidemment la seule fourniture de denrées, l'intégralité de la préparation, de la production des repas se faisant bien sûr en régie par la cuisine centrale de Bagnolet. Merci Olivier. Des remarques, Edouard. Merci Monsieur le Maire, bonsoir. Je vais revenir sur quelques éléments parce que l'alimentation est un des axes sur lesquels on entend travailler tout au long du mandat et c'est d'ailleurs un enjeu politique majeur. Majeur en termes d'éducation, Olivier en a parlé, éducation au goût, à la diversité des produits, à la saisonnalité, puisque c'est un des critères qu'on retrouve dans le marché. Éducation au goût qui ne se fera pas uniquement avec la Sodexo, mais avec intervention dans les groupes scolaires, d'associations et autres. Majeur aussi en termes de santé publique, on en reparlera avec Grégoire sur la question des sucres, des sels, des produits transformés, dont la part doit être réduite en accord avec les directives qui avaient été données en 2019. Donc c'est un des objectifs qu'on se fixe. Majeur aussi en termes de réduction des inégalités, la nourriture, puisque la nourriture, le repas, la pause méridienne à la cantine, c'est parfois le seul repas qui est pris dans une journée par certains enfants. Et vous savez qu'en plus, on travaille sur des dispositifs complémentaires qui, là, sont parrainés par l'éducation nationale, mais qui sortent de notre cuisine centrale, notamment le dispositif petit déjeuner, qui va être reconduit sous d'autres modalités, vraisemblablement en direction des maternelles, vraisemblablement après les vacances de la Toussaint. Tout ça est à fixer, mais c'est un dispositif qui va être reconduit. Enjeu majeur, enfin, et parfois je regrette qu'on ne s'y attarde pas plus, en matière d'impact carbone. Je vais juste donner deux chiffres simples. L'alimentation sur le territoire d'Est Ensemble, il y a un bilan qui a été fait là du plan climat air énergie territorial. C'est 19% de notre empreinte carbone sur le territoire d'Est Ensemble. Et si on prend maintenant à l'échelle de la planète, je vais vous donner un deuxième chiffre pour continuer à développer. Si je prends l'élevage maintenant, juste l'élevage, c'est 8% des gaz à effet de serre sur notre planète. C'est ce qui a conduit la ville à mettre en place, je parlais de la question de l'alimentation dans la durée, dans toutes les écoles, là, à la rentrée, une option végétarienne quotidienne pour les familles qui le souhaitent, qui en font le choix. Le chiffre là, d'adoption à la rentrée, c'est 9% au mois de septembre. Ça augmente potentiellement en octobre et il est vraisemblable que ça continuera à augmenter au cours de l'année. Donc le marché, et Olivier a parlé notamment des légumes, le marché qui vient d'être passé va nous permettre d'améliorer cette offre végétarienne, plus des investissements qui ont été faits au cœur de la cuisine centrale, investissements importants. Ça va nous permettre justement d'améliorer cette offre végétarienne quotidienne. C'est une genèse, vous le savez, citoyenne, qui remonte à plus de 6 ans déjà, une association Ensemble pour les enfants de Bagnolet qui avait porté cette option. Là, elle est généralisée à partir de septembre et on va travailler dans un temps long, sur les retours d'expérience, sur la qualité des repas, sur probablement en associant, je ne sais pas comment on le fera, je ne vais pas préjuger, mais peut-être un comité des menus ou quelque chose comme ça, qu'on va essayer de monter rapidement pour, dans la foulée de l'adoption de ce nouveau marché, réussir à monter en qualité autour des tables de nos enfants. Voilà, c'est un travail de fond qu'il faut mener aussi sur la réduction du gaspillage alimentaire, dont l'impact est non négligeable quand on compte tout l'impact carbone, toutes les émissions de gaz à effet de serre, travail qui est à mener pour nous avec l'établissement public territorial Est Ensemble. Donc, on a dit qualité, saisonnalité, bio, circuit court, Olivier l'a rappelé, 30% à moins de 150 km de Bagnolet. Voilà, tout ça, ça s'inscrit dans cette dynamique parce que le contenu de nos assiettes est politique. Il façonne le monde dans lequel nous vivons et on a tout intérêt à s'en occuper et dès les premières années de nos enfants, si possible. Et c'est ce que nous menons maintenant. Je vous remercie. Merci, Edouard. D'autres interventions, Monsieur Lyon? Oui, bonsoir. Alors, nous sommes convaincus, effectivement, qu'une cuisine centrale et la question de l'alimentation est un élément fondamental d'une politique municipale. Et que, effectivement, il y a besoin d'un grand projet pour la cuisine centrale. C'est pas un obscur service, mais ça doit être un vrai instrument privilégié d'une politique locale d'alimentation, qui est un enjeu écologique, qui est un enjeu social aussi, dans une ville comme la nôtre, pour accéder à une alimentation saine. Donc, sur ces propos généraux, on pourrait tous être d'accord, mais c'est vrai que, d'une part, je n'ai pas vocation à faire d'attaque contre une entreprise, mais quand même, quand on entend que le titulaire du marché est Sodexo, qui est quand même plutôt connu comme étant une major de la malbouffe, on est moyennement rassuré a priori. Et c'est vrai que quand on lit éducation au goût et qu'on lit Sodexo à côté, on a tendance à se dire qu'on a mal lu ou mal entendu. Et puis, au-delà de ces choses un peu générales, moi, j'ai regardé les documents que vous nous avez transmis. Et moi, j'avoue qu'il me pose beaucoup de questions sur les produits, mais aussi sur la philosophie même du marché. Donc, effectivement, M. Taravella, tout à l'heure, comme il l'a fait en commission, nous a expliqué que c'était beaucoup mieux et c'était beaucoup plus simple d'avoir un seul prestataire. J'avoue que je ne suis pas en mesure de juger si c'est vrai ou pas, même si... Usuellement, des cuisiniers aiment bien avoir différents prestataires, mais surtout, ce qui me pose question, c'est l'ampleur de la délégation. Parce que bon, moi, j'ai pas de. Il est effectivement usuel qu'un acteur public ait recours au privé pour un certain nombre de prestations, mais là, quand je lis les éléments. Sodexo va faire 100% de l'approvisionnement, il fait les fiches recettes, il y a la gestion des menus, si j'ai bien écrit. Donc là, j'ai l'impression que la ville délègue totalement, donne les clés de la cuisine centrale, en l'occurrence à Sodexo, mais ça pourrait être à quelqu'un d'autre. J'ai un peu l'impression que les agents communaux de la cuisine vont devenir des sortes de travailleurs détachés de Sodexo qui devront donc préparer ce que l'entreprise aura décidé en matière de recettes ou de menus, ce qui me semble quand même assez problématique. Ensuite, sur les produits... Alors, sauf à ce que j'ai mal lu ou je ne sache pas lire, parce qu'effectivement, au tout début, comme vous l'avez d'ailleurs évoqué, on entend des choses sur les circuits courts. Alors, j'avoue que j'ai lu plusieurs fois, parce que ça ne m'a pas semblé très clair, parce qu'il était écrit à un moment qu'en fait, c'est les fournisseurs de Sodexo qui se fournissent eux-mêmes en circuit court, ce qui, si j'ai bien compris, donc du coup, peut être loin de Bagnolet. Et effectivement, en page 37, il est dit que le circuit court se limite à 30%. Donc ça, c'est sur le circuit court. Sur le bio et l'IGP que vous avez mentionné, là aussi, si je lis bien, je vois des pourcentages très, très faibles, puisque sur la plupart des catégories que j'ai vues, on a des pourcentages de bio qui se baladent à 3 ou 4%. Et des pourcentages d'IGP, ou si j'ai bien vu, on est même à moins de 1%. Et par exemple, Sodexo affiche fièrement qu'il y aura 2 yaourts bio par mois. Donc tout ça me laisse, ce que j'entendais bien, vos bonnes paroles, M. Tarabella, mais quand je lis les chiffres, et puis vous avez expliqué tout à l'heure que 100% de la viande était fraîche, hein, mais c'est un peu l'exception, sauf erreur de ma part, qui confirme la règle. Parce que quand je lis les tableaux, je vois que 100% du poisson est surgelé, que 90% des légumes est surgelé, que 90% des potages sont surgelés, que 80% des pâtisseries sont surgelées. Ça, tout ça donne un peu quand même l'impression d'être au royaume du surgelé. Hein. Donc voilà un peu sur ces éléments. Et du coup, nous, on a plutôt l'impression qu'on est là face à une occasion gâchée, hein, d'effectivement mettre en œuvre, grâce à la cuisine centrale, une vraie politique locale d'alimentation, alors que, par exemple, je sais que nos voisins de Montreuil, j'en parlais avec Mireille Alphonse il y a une dizaine de jours, la deuxième adjointe chargée de ces questions organise bientôt des états généraux de l'alimentation, et qu'un certain nombre de villes ont travaillé dans la période récente justement sur un repositionnement de leur cuisine centrale, sur des modifications d'approvisionnement, sur des partenariats avec des producteurs de proximité. Et on a l'impression qu'au-delà des bonnes paroles, on est surtout appelé à voter le constat d'une occasion manquée. Hein. Merci. Je ne sais pas si c'est le constat d'une occasion manquée. Ce que je tiens à préciser, c'est que contrairement à un certain nombre de villes que vous avez pu évoquer, nous avons une cuisine centrale. Les autres n'en ont pas. Donc peut-être que Mireille Alphonse lance des états généraux de l'alimentation, et franchement, c'est bien, et c'est une bonne chose. Mais on a une cuisine centrale, on tient à la conforter, même si parfois on peut avoir des problèmes de recrutement, mais on tient à la conforter, on tient à la maintenir. Et je rappellerai qu'on a fait de nombreux investissements au cours du dernier mandat pour maintenir en état la cuisine centrale qui en avait bien besoin. Olivier. Bon, moi, je ne doute pas que vous sachiez lire, mais je pense que vous avez méconnu certains éléments du sujet. Alors, j'ai fait référence à ce qu'avait dit M. Jamais sur Sodexo, et je pense qu'on a tous des expériences qui ne sont pas des expériences géniales avec Sodexo, mais les expériences que j'ai eues, moi, c'est avec Sodexo qui fabrique les repas. Or, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la mission qui est confiée à Sodexo. La mission qui est confiée à Sodexo, qui, du coup, fonctionne sur ce plan-là plutôt comme une centrale d'achat, c'est de nous fournir des denrées brutes. Des denrées brutes qui ne sont pas préparées. Ce sont bien les agents publics de la cuisine centrale qui sont des cuisiniers, qui sont des cuisiniers de qualité, qui vont mener cette mission qui est la production de repas pour les enfants et les seigneurs de Bagnolet. Donc, là, de ce point de vue-là, les choses sont très claires. Ce ne serait pas Sodexo, ce serait un autre, mais fondamentalement, ils se fournissent. C'est derrière, c'est Davigel, c'est d'autres grandes centrales de fourniture de ces produits. Je veux dire, le sujet n'est pas là. Si on était sur de la prestation directe de repas chauds, on pourrait avoir ce débat, mais ce n'est pas ça. Donc, là-dessus, il faut être très clair. L'idée d'une délégation large à Sodexo, d'abord, je rappelle qu'on demande une assistance technique. Assistance technique parce que ces compétences, même si on a des cuisiniers très compétents, mais ces compétences-là, aujourd'hui, elles sont en partie disparues au sein de la cuisine centrale. C'est dommage. On espère pouvoir à terme les recréer. Mais en attendant, on a besoin de cette assistance technique. Sauf que le prestataire propose et c'est bien la ville qui dispose. Ce n'est pas une délégation de service public, c'est un marché public. Comme l'a dit tout à l'heure Edouard de Noël, on va réfléchir à un certain nombre d'outils comme un comité des menus. Ils vont nous proposer des options et c'est nous qui allons décider ce qu'il y aura dans l'assiette. Là-dessus, les choses là aussi sont très claires. Sur les circuits courts, rappelez que circuit court, ça ne veut pas dire que ça vient d'à côté de chez nous. Circuit court, ça veut dire qu'on limite le nombre d'intermédiaires. Circuit court, ça veut dire pas plus d'un intermédiaire. Donc on n'est pas sur ce sujet-là. Ce n'est pas la même chose que le kilométrage. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de circuit court, parce que c'est une notion effectivement qui parfois est un peu évidente. Par contre, le prestataire, lui, s'est engagé à ce que 30% de la valeur des denrées vienne à moins de 150 km de Bagnolet. De la même manière, vous avez parlé des pourcentages faibles. Les pourcentages, ils sont en valeur, ils ne sont pas en volume. parce que la loi prévoit que les pourcentages soient en valeur. Donc quand vous dites c'est que 4% de X, bah, sûr que le prix de la courgette rapporté au prix du bœuf fait que bah, en valeur totale du produit sur l'ensemble du marché, même si on fait 100% de courgettes bio, elle ne va pas peser grand-chose face au bœuf. C'est ça qui explique pourquoi parfois les taux apparents doivent être mis en perspective. Par contre, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, 100% label rouge sur la volaille, sur l'agneau, sur le porc, c'est quand même quelque chose de significatif. Origine France, 100% muscle aussi, parce que parfois on a des viandes, mais qui sont des viandes avec 25% de gras, des tendons, etc. Donc là aussi, sur la qualité, c'est un élément important. Et vous avez parlé de surgelé. Sur le poisson, de toute façon, l'offre n'existe qu'en surgelé pour tout le monde. Globalement, pour fournir ce type de volume avec les chaînes logistiques qui existent, le surgelé, il n'y a que du surgelé. Sauf parce que vous avez une commune qui est au bord de la mer et qui a la chance de pouvoir se fournir à sa propre criée à 500 mètres de la ville. Mais bon, on n'est malheureusement pas tous, on n'a pas tous ces chances-là. Voilà, ça c'est une réalité pour tout le monde. Par contre, sur les légumes, quatrième gamme, ce n'est pas surgelé. Quatrième gamme, c'est-à-dire qu'on prend le légume, on l'épluche, on le coupe et on le met sous vide. Et la mise sous vide, par ailleurs, c'est certainement la variante qui conserve le mieux les qualités organoleptiques du produit. C'est probablement des produits qui vont arriver avec un meilleur état organoleptique en étant préparés comme ça immédiatement à la récolte et sous vide que des produits qui n'ont pas été préparés, qui sont restés 15 jours dans un entrepôt et qui ensuite arrivent en préparation, en stock, dans les cuisines centrales. Donc, de ce point de vue-là, on est plutôt sur la gamme qui nous garantit la meilleure qualité de produit. Donc non, contrairement à ce que vous avez dit, pour ces éléments-là, on est sur des produits de qualité, on est sur des éléments de fourniture qui nous permettent d'offrir la meilleure qualité de service. Et oui, comme l'a évoqué Edouard de Noël, on va garder des outils internes qui nous permettent de travailler de très près avec eux pour être les donneurs d'ordre de ce qu'on souhaite voir dans les assiettes. Madame Desbordes-Silly. Oui, bon, moi je ne vais pas répéter ce qu'a dit Pierre Vionnet, mais j'ai juste simplement envie de vous demander qu'est-ce qui s'est passé en un an. On était totalement plus qu'étonnés quand on a lu cette délibération. Vous aviez en 2020, les trois groupes de votre majorité, mis l'alimentation au cœur de vos programmes. C'était une de vos priorités. Je ne parle même pas Bagnolet en commun, puisque Bagnolet en commun, c'est un marqueur politique fort, c'est peut-être le marqueur essentiel. Vous avez mis en place une concertation avec les parents d'élèves, d'ailleurs, qui a été sur ces sujets d'alimentation, d'ailleurs, concertation qui a été plébiscitée par les parents. Enfin, les retours étaient très bons de mémoire. Et aujourd'hui, on arrive à ça. Alors, peut-être qu'il y a des éléments qui nous échappent, on n'a peut-être pas tout pour apprécier, mais enfin, aujourd'hui, la réalité, c'est que vous donnez, alors, les clés du camion et les clés de la cuisine centrale, un géant de l'alimentation industrielle. La Sodexo, c'est Olivier Taravella, je crois qu'ils sont trois géants à se partager le marché en France de la restauration collective et de l'alimentation industrielle. Il y a Elior, la Sodexo, et un troisième dont j'ai oublié le nom. C'est un géant. Donc on ne peut pas dire qu'on veut, je me souviens dans vos programmes, vous aviez indiqué moins de produits d'alimentation animale et tout ce que vous avez dit, on partage, mais aussi également moins de produits transformés. Le surgelé, que vous le vouliez ou non, c'est du produit transformé. Et je rejoins ce que disait Pierre. Alors on a peut-être une lecture pas suffisamment rigoureuse, mais moi aussi j'ai noté 90% de légumes surgelés. Bon, les poissons, soit, je veux bien entendre ce que vous dites, mais enfin 90% de légumes surgelés, c'est 90% de légumes transformés dans lesquels on ajoute des additifs et des sucres. Le schéma d'approvisionnement, ou alors j'ai peut-être des problèmes de lecture, mais moi j'ai lu que le schéma d'approvisionnement, il était en circuit long traditionnel, mais c'est pas étonnant, la Sodexo fonctionne comme ça. Bon. Et puis, ce n'est pas seulement un contrat d'assistance technique, comme l'a dit Pierre Vionnet, c'est évidemment la gestion des approvisionnements des denrées alimentaires, mais c'est aussi, bon, et la gestion des stocks, mais c'est surtout, alors ça c'est fort, la confection des menus et l'éducation au goût. Donc l'éducation au goût, vous considérez qu'on va améliorer la qualité nutritive de ce qu'il y a dans les assiettes de nos enfants en confiant l'éducation au goût à des diététiciennes ou diététiciens de la Sodexo. Dans une vie antérieure, j'ai vécu ce que c'est. Et en plus, on ne parle même pas. Alors évidemment, vous gardez la cuisine centrale, c'est très bien, mais aujourd'hui, on a le sentiment que les agents de la cuisine centrale vont être simplement là pour assembler des produits industriels, mettre de la sauce dessus. Vous savez très bien que lors de la concertation, les parents disent « Mais pourquoi vous mettez de la sauce ?» Mais parce qu'en liaison froide, la sauce, ça permet de simplifier la confection des menus. Donc, en fait, on ne voit pas le gain en matière de qualité alimentaire, de santé publique dans cette délibération. Et non seulement on ne voit pas de gain, mais on voit surtout une dégradation du service public de restauration locale. Et le dernier point, ça a été abordé rapidement par Édouard Desnouettes, c'est qu'aujourd'hui, on a un vrai problème. Peut-être qu'il aurait été bon d'associer à cette délibération une réflexion sur le gaspillage alimentaire. On a dans les écoles de Bagnolet un vrai problème de gaspillage alimentaire. On a la sensation que rien n'est fait, alors qu'effectivement, vous allez me répondre que c'est à Est-Ensemble, mais à Est-Ensemble, sur le territoire, vous pourriez, par exemple, je pense aux alchimistes à Pantin qui collectent dans les restaurants scolaires les déchets. Alors déjà, on peut travailler sur le grammage, il y a une véritable approche à construire sur le gaspillage alimentaire. On attend que vous puissiez travailler ou que on veut bien travailler avec vous sur ces questions-là, y compris des composteurs collectifs à mettre, comme c'est fait dans un certain nombre de collectivités. Donc ce soir, sur cette question-là, on regrette le choix que vous avez pris, que vous avez fait de choisir la Sodexo. Évidemment, on votera contre cette délibération. Mais ce que vous venez de dire à la fin, Mme Silly, on le fait déjà avec Est-Ensemble. On le fait déjà dans les écoles. Il y a deux ou trois écoles test et le dispositif va s'élargir. On le fait déjà, vraiment. Édouard de Noël. Oui, juste quelques éléments. Effectivement, sur le gaspillage, on peut notoirement s'améliorer. Mais avant de composter, il ne faut déjà pas produire le déchet. Donc, il y a une question de gestion des stocks, notamment, et de la quantité de production sur lesquels on doit travailler. Moi, je trouve que ce n'est pas une réflexion très élégante que de qualifier les employés de la cuisine municipale centrale de simili-travailleurs détachés. On peut juste respecter leur travail. C'est des professionnels. Employés, publics. Justement, le but du jeu, c'était d'améliorer leurs conditions de travail, de renouveler le matériel dans la cuisine centrale pour justement conforter cet outil. Puisque vous adoptez une approche comparatiste, en citant Mme Alphonse, je crois que c'était d'ailleurs aujourd'hui comment ces états généraux de l'alimentation. Je pense à Gaëlle Giffard, qui est une élue citoyenne des Lilas. On s'est rencontrés, on a travaillé ensemble, et la première question, c'était: comment est-ce que je peux venir chez vous pour vous copier? Voilà. Donc, effectivement, l'herbe a l'air toujours plus verte ailleurs, mais en l'occurrence, là, le but du jeu, c'était venir visiter notre cuisine centrale, voir comment on pouvait travailler ensemble, voir comment peut-être les Lilas pouvaient s'associer même avec nous sur le fond. Donc, y a sûrement notoirement mieux à faire, notamment sur l'éducation au goût par la Sodexo, moi non plus, ça ne me fait pas rêver. Donc, c'est une possibilité, ça n'est pas une obligation. Il faut quand même lire les conditions de ce marché, c'est une possibilité. Et c'est pour ça que dans mon propos liminaire, j'ai bien dit que l'éducation au goût, c'était pas à la Sodexo qu'on avait envie de la confier. Que ça soit possible est une chose, qu'on veuille le faire en est une autre. Je vous remercie. Merci Edouard. Edith. Je voulais juste profiter de l'occasion pour saluer l'initiative qui a été faite à l'école Jaurès sur le gaspillage alimentaire. Donc c'est une initiative des enseignants donc qui ont mis en place tout un processus avec les enfants et toute une filière de recyclage des composts alimentaires. Et je crois que cette initiative a retenu toute l'attention des services municipaux. Absolument. Monsieur Vianney. Oui, juste un mot, et je pense que c'était très clair dans mes propos. Justement, c'est parce que je respecte les agents de la cuisine centrale que je considère qu'ils doivent être au cœur d'une politique d'alimentation et qu'ils ne doivent pas, effectivement, devenir des simples collaborateurs de Sodexo. Et effectivement, je redis ce que j'ai dit et ce que Angeline, s'il déborde, a dit aussi. On considère qu'il y a un véritable, qu'il ne suffit pas de dire on a une cuisine centrale, et ça on s'en félicite tous, mais qu'il y a un véritable projet pour mettre cette cuisine centrale au cœur d'un service local d'alimentation, et qu'il nous semble que ce n'est pas la méthode que vous employez et de effectivement donner les clés à Sodexo qui répond à cela et qui valorise le travail des agents. Monsieur Germain. Juste un petit mot, parce que je partage évidemment ce qu'ont dit mes collègues. Non, c'est une question que tout à l'heure Monsieur Tarabella a dit dans une phrase, et je pense qu'il faut qu'on approfondisse ce qu'il a dit et qu'on sache pourquoi et comment on arrive à résoudre ce problème. Il a dit qu'il y a des compétences qui ont disparu au sein de la cuisine centrale, et ça rejoint tout à fait ce que vient de dire Pierre Vionnet. Notamment si j'ai bien compris la phrase des cuisiniers, et c'est pour ça que quelque part on se met à la remorque de Sodexo. Donc voilà, moi je pense, bon voilà, vous allez évidemment, vous êtes majoritaire, vous allez voter cette délibération. Moi je pense que, à la manière que Angéline évoquait, je pense qu'il faut qu'on arrive à faire un bilan de tout cela, et qu'on, peut-être la question sur laquelle il faut appuyer, c'est comment on remet des compétences de la cuisine centrale. Comment on a des compétences qui nous permettent, je crois, de remplir un vrai cahier des charges qui répond à des vrais objectifs en matière d'alimentation. Absolument. On a encore des cuisiniers, on n'a plus de pâtissiers. Olivier. Encore une fois, bon, d'abord, même si je suis désolé, mais il faut au moins qu'on soit en capacité de se mettre d'accord sur les faits. Enfin, voilà, à un moment donné, même quand on parle de produits surgelés en matière de fourniture de denrées brutes, enfin, c'est bien des denrées brutes, ce n'est pas des choses qui ont été préparées avec des sauces, avec du sel, avec du sucre, avec un parfum, avec des herbes, etc. Enfin, c'est des denrées brutes, c'est-à-dire qu'on a sorti le poisson, on l'a débité, on l'a surgelé en surgélation et on l'a envoyé dans le réseau. Donc, enfin, à un moment donné, aller raconter qu'on va fournir quasiment des plats préparés de mauvaise qualité, enfin, faut au moins respecter, enfin, un peu d'honnêteté intellectuelle, quoi. À un moment donné, c'est pas la même chose quand vous allez chez Picard acheter des légumes surgelés. Moi, ça m'arrive de temps en temps parce que c'est pratique l'hiver pour faire des soupes. Bah, les légumes Picard, ils sont pas préparés avec du sucre, des additifs, etc. Ils sont juste surgelés, mis dans un sac et dessus, c'est 100% légumes surgelés. Voilà. Et c'est la même chose. Sur la qualité, je suis désolé, Sodexo, certes, à mauvaise presse, mais dans les différentes filiales de Sodexo, par exemple, il y a le nôtre. J'ai pas le sentiment que les gens considèrent que du coup le nôtre soit de mauvaise qualité ou que les produits qu'ils fournissent soient dégueulasses. Quoi. Donc je pense que le groupe Sodexo, dans son ensemble, est tout à fait capable de fournir un certain nombre de produits de qualité. Après, la prestation de fabrication de repas de Sodexo, on en a déjà parlé, mais c'est pas ce qu'on leur demande, puisque c'est la cuisine centrale qui va le faire. Donc ça aussi, c'est très clair. Sur les compétences, Monsieur Jamais, oui, effectivement. Il y a eu des départs en retraite, il y a eu des personnes qui ont souhaité une mutation professionnelle, comme ça se fait classiquement, mais les compétences de cuisine existent. Ce qui a disparu plutôt, c'est les compétences de gestion. Compétences de gestion, justement, sur les stocks, les approvisionnements, la gestion administrative, la gestion comptable, etc. La ville a cherché à faire un certain nombre de recrutements. Par exemple, on a fait des procédures pour recruter directeurs de cuisine centrale. On a trouvé un excellent profil issu de la ville de Paris. Parce que quand même, on est encore capable d'attirer des gens qui travaillent pour la ville de Paris. Malheureusement, parce qu'on est contraint par le régime indemnitaire de la fonction publique, on n'a pas pu faire correspondre sa rémunération souhaitée et la rémunération que la ville était légalement en capacité de lui fournir. C'est dommage. C'est le statut. On a relancé une candidature. On a trouvé un autre excellent profil issu du privé. Il avait presque signé, et puis son employeur, souhaitant le conserver, lui a fait un pont d'or pour qu'il reste, et donc la ville n'était pas en capacité de s'aligner salarialement. Donc voilà, on fait des efforts pour essayer de rattraper ces compétences que vous évoquez, mais on a été un peu malchanceux sur ce poste-là. Par exemple, il y a d'autres sujets, et donc en attendant de pouvoir recréer sur ces fonctions-là des compétences internes, il faut qu'on se fasse assister sur le plan technique, parce que autrement, sur une prestation qui représente plus d'un million cent mille euros en denrées pures, sans parler du coût général de la cuisine centrale, on n'aurait pas les capacités de gérer ça de manière optimisée et rationnelle. Et ensuite, ça pèse sur le budget communal et ça pèse aussi sur le coût de la cuisine et donc sur la capacité de la ville, à budget constant, à fournir des prestations de qualité à ses usagers. Merci. D'autres, Madame Garrido. Oui, très rapidement. Moi, je regrette quand on n'est pas à la ville de Bagnolet, les capacités ou la volonté politique, parce que souvent l'un va de pair avec l'autre, de bouleverser vraiment les modalités d'approvisionnement alimentaire de la restauration collective et sociale. Je pense que quand les Bagnoletaises et les Bagnoletais lisent dans la presse municipales ou dans les programmes des candidats qu'il va y avoir une révolution alimentaire, ben les gens se figurent que, un peu comme, dans, comme une sorte d'AMAP géante, on va prendre contact avec des agriculteurs, on va sécuriser des approvisionnements, on va essayer. C'est ça que se figurent les gens. Et le fait que l'on renonce à ça ou qu'on ne le fasse pas, je ne dis pas à 100%, j'ai parfaitement conscience de la difficulté de la sécurisation de tels approvisionnements à grande échelle. Mais ça se fait. Dans le département de l'Isère, par exemple, il y a quelqu'un dont c'est le travail et qui ça met du temps à aller chercher les producteurs, etc., mettre en place des cahiers des charges, s'assurer que l'approvisionnement soit continu, etc., qu'il n'y ait pas de trous dans la raquette. Ça prend du temps, mais c'est un métier qui existe depuis très longtemps dans certaines collectivités. Et c'est vrai que moi, j'ai plutôt l'impression que là, on fait quelque chose un peu à la va-vite pour dire que oui, on a fait la révolution alimentaire à Bagnolet, et du coup, en donnant le monopole de la fourniture des denrées alimentaires à Sodexo, finalement, on s'empêche nous-mêmes de pouvoir générer, même sur une petite quantité ou une quantité grandissante de ce qu'on consomme comme denrées alimentaires, la possibilité de vraiment faire la révolution alimentaire. La révolution alimentaire avec Sodexo, ce n'est pas une révolution alimentaire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération, qui est contre, qui s'abstient, elle est approuvée. Je vous remercie. Délibération 4, conclusion d'un protocole transactionnel suite à un sinistre. Est-ce qu'il y a des observations, Monsieur Vionnet? Oui, brièvement. Ça arriverait une fois tous les 6 mois, on voterait pour sans même discuter. Mais là, c'est vrai que la récurrence de ces problèmes, on en a à chaque conseil municipal. Alors, j'ai bien lu là, l'origine de l'accident avec une débroussailleuse, etc. Mais c'est vrai que ça devient un peu un marronnier à chaque conseil, donc nous nous abstiendrons. Ok, on propose de passer au voix. Hein, on a cru que c'était la même que la dernière fois. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé, je vous remercie. Délibération 5, extinction de créances suite à une procédure de surendettement. Est-ce qu'il y a des observations? Pas d'observation, je propose de passer aux voix. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé, je vous remercie. Délibération 6, admission de créances en nos valeurs. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Délibération 7, dotation politique de la ville 2021. Olivier. Bon, c'est délibération, assez classique hein, sur l'acceptation des différentes subventions que nous avons obtenues au titre de la dotation politique de la ville, avec un effort un peu constant sur la question des dédoublements de classe. Donc, je ne développerai pas outre mesure, j'ai déjà été un peu long sur le sujet précédent. On a le même sujet sur la délibération suivante sur la TSIL, donc là aussi avec le même focus plutôt sur le scolaire, donc sur l'acceptation des deux subventions. Est-ce qu'il y a des remarques, Monsieur Vionnet? Oui, nous voterons bien évidemment favorablement pour cette délibération. Comme elle a trait, comme la suivante, à des sujets financiers, j'en profite tout de même pour noter une chose qui apparaît dans les décisions du maire, ce que notre collègue Laurent Jamais vous a questionné sur une série de décisions du maire, dont une porte sur un nouveau prêt de 7 millions et quelques d'euros, si je ne m'abuse. Donc vous avez répondu, ce dont on vous remercie, mais vous avez répondu en disant qu'effectivement la délibération du conseil municipal relative au budget vous autorise à le faire par simple décision du maire. Voilà, on trouve quand même que ça pose un peu question, parce que ça serait une ligne de trésorerie de quelques dizaines de milliers d'euros que vous prendriez. On ne noterait évidemment rien. Là, c'est quand même un prêt de 7 millions d'euros dans une ville, je ne vais pas redire ce qu'on s'est déjà dit 150 fois, de la ville la plus endettée de France et qui n'a pas du tout commencé son désendettement. Bon, alors vous allez me dire, cette fois-ci, ce n'est pas une banque allemande, c'est une banque bretonne, mais c'est tout de même un montant conséquent, et il nous semblait important quand même de le mentionner au moins pour ceux qui nous regardent lors de ce conseil municipal. Bah, pour ceux qui nous regardent, on va préciser que cet emprunt nous permet de financer l'ANRU, en l'occurrence, d'honorer nos versements à Sequano Et je rappelle que quand nous sommes arrivés aux responsabilités, il y a maintenant 7 ans, pour ce qui nous concerne, l'ardoise était de 24 ou 25 millions d'euros. Voilà. Donc, on leur doit plus que 2 millions. Donc, ça va un peu mieux, mais effectivement, pour financer l'ANRU, on est bien obligé d'emprunter. Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante. Dotation de soutien à l'investissement local. Pas d'observation. Solène Lebouris. Bonsoir tout le monde. Donc ces deux versements de la DPV et de la DSIL est une bonne nouvelle et nous saluons le professionnalisme de l'administration qui a entrepris les démarches nécessaires pour l'obtention de ces subventions. Donc là, la ville a perçu le maximum des aides possibles, mais à ce propos, nous aimerions disposer régulièrement d'indicateurs clairs et pertinents sur le niveau d'aide disponible, demandé et obtenu pour chaque projet. Par ailleurs, pouvez-vous ce soir nous lister l'ensemble des travaux de rénovation effectivement accomplis et qui font l'objet de cette délibération ? Dans la présentation de cette délibération, vous expliquez, je vous cite, « La commune possède divers lieux d'apprentissage » et a toujours eu à cœur de rendre accessible à ses habitants le sport de l'initiation jusqu'au haut niveau à travers une offre riche et diversifiée. Nous adhérons bien évidemment à ces propos, mais lorsque l'on fait le tour des infrastructures de la ville, on ne peut que mesurer la différence de ces propos avec la réalité. Comment expliquez-vous les dégradations dues à des actes de vandalisme du gymnase Fanara et de la fermeture de Maurice Baquet cet été ? Concernant la rénovation des autres structures sportives qui en ont fort besoin également, avez-vous un calendrier précis pour les années à venir ? Écoutez, merci Madame Lebouris. La liste des interventions dans les écoles est détaillée à la quatrième ligne de la notice, en l'occurrence travaux de rénovation à bâtiment scolaire suite au dédoublement des classes et les classes, les établissements scolaires sont mentionnés, le gymnase également. Effectivement, on a eu de nombreuses détériorations au gymnase Fanara et on fait en sorte de se mobiliser pour que ce gymnase puisse rouvrir le plus rapidement possible. Et on a un plan d'investissement sur les équipements sportifs, parce que nous, on ne souhaite pas vendre les équipements sportifs, donc on ne vend pas Jean Renault, on ne vend pas la briqueterie. On souhaite rénover. On a d'ailleurs, grâce à l'appui d'Est-Ensemble, de son président et de Abdelkrim Tchermaoui, qui a été particulièrement investi sur le sujet, on a pu obtenir une intervention forte d'Est-Ensemble sur la piscine des Malassis pour lui permettre de tenir encore sa démolition-reconstruction. Donc Est-Ensemble a investi 1,2 million sur notre équipement, qui en avait bien besoin, avec un taux de subvention de 75%. On est intervenu sur Baquet, on intervient actuellement sur Fanara et on continue à intervenir sur nos autres équipements sportifs. Par exemple, on aura l'occasion d'aborder rapidement le sujet au cours du Conseil de quartier des Malassis. Nous prévoyons de réhabiliter le gymnase Maurice Baquet dans sa globalité avec un financement de l'État de 70%. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Là, vous avez cité le nom d'école. Ouais. Est-ce que tout a été accompli ? C'est ma question. Bah oui. Frédéric, tu veux dire un mot ? Oui, je vais tenter de répondre à la question. Et d'abord, je voudrais m'inscrire dans ce qui a été dit sur le professionnalisme de l'administration pour aller chercher ces financements et ces subventions, effectivement, de la DPV et la DSIL. En particulier à destination des établissements scolaires, les travaux de dédoublement de classe qui étaient prévus étaient nécessaires d'être opérationnels à la rentrée par la force des choses. Et les travaux de la DSI sur les vidéoprojecteurs interactifs aussi pour équiper toutes les classes en élémentaire qui ont été dédoublées. Donc oui, ces travaux ont été effectués et la liste des écoles est donnée dans la notice. Sur la DPV en particulier, c'était Eugénie Coton, Henri Vallon élémentaire, Jean Jaurès élémentaire, et sur la DSIL, il y a une autre liste, mais les travaux ont été effectués. Merci Frédéric. On peut passer aux voix. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Je vous remercie. Mise en place des indemnités horaires pour travaux supplémentaires IHTS, BP, ville de Bagnolet, délibération 9. Il s'agit de se mettre au clair avec la réglementation, en l'occurrence, le comptable public nous a invités, lui-même étant invité par le préfet, lui-même étant invité par le gouvernement à agir sur le sujet, à nous mettre d'une manière globale en conformité avec cette délibération. Donc la délibération de 2016 que nous avions adoptée ne mentionnait pas les emplois concernés par les heures supplémentaires, comme on dit. Donc il s'agit de se mettre en conformité de manière précise avec les textes. S'il y a des observations, je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération 10, indemnité d'astreinte et d'intervention allouée au personnel titulaire, stagiaire et contractuel, budget principal de la ville. C'est le même exercice qu'expliqué précédemment. Est-ce que vous avez des remarques ? Pas de remarques, je propose de passer aux voix. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient? C'est approuvé, je vous remercie. Délibération suivante. Il s'agit de garantir les emprunts contractés par l'OPH de Bagnolet auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour l'opération dite Franklin, qui a été livrée au printemps dernier de 63 logements sociaux. Est-ce que vous avez des observations, Monsieur Jamais? Oui, bien entendu, nous allons voter cette délibération qui permet la garantie d'emprunt pour la construction de logements sociaux au bénéfice de l'OPH. L'occasion de dire quand même quelques mots sur la question du logement social au moment où se tient le 81e congrès HLM. Comme vous le savez, je suis très attaché au logement social. Je considère que c'est la solution pour répondre à de nombreuses crises et files d'attente que connaissent trop nos concitoyens. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les gouvernements successifs, dans leur diversité, ont affaibli ce secteur pour favoriser le marché. La politique de Macron le met durablement à terre. La situation est celle-ci aujourd'hui, des listes d'attente qui s'allongent, 2 millions de demandeurs, soit 20% de plus depuis 2013, une chute de la construction autour de 85 000, alors que l'objectif minimaliste fixé par le gouvernement doit être au moins de 125 000 logements, des ponctions sur les fonds propres des organismes qui plombent les possibilités de construction, de réhabilitation et d'amélioration du quotidien. Ce n'est pas possible de continuer ainsi et ce ne sont pas les mesurettes de Jean Castex à la tribune du Congrès qui ne permettra ni de calmer les acteurs du logement social, ni plus grave de s'attaquer aux problèmes de nos concitoyens. Pour ce faire, il faut mettre fin à des mesures comme le RSS, la mal nommée réduction de loyer solidarité, dans l'immédiat et porter une exigence de l'aide à la construction et la réhabilitation. On appelait ça autrefois l'aide à la pierre, il faut revenir. Donc le logement social, c'est notre patrimoine. J'avais prévu de vous poser une question orale sur les démolitions de la rue Pierre-Curie, mais pour tout dire, elle est restée bloquée dans ma boîte d'envoi. Et ce n'est pas, ironique, allez-y. C'est vrai, elle est restée bloquée, donc elle n'a pas pu vous parvenir. Je ne vais pas maltraiter notre règlement intérieur, donc je ne vais pas la lire. Allez-y. Non, je vais dire quelque chose, je l'ai résumé, je l'ai condensé pour effectivement rester dans les purs de votre règlement intérieur. Je veux juste en quelques mots donc me satisfaire de la prise de position de l'ANRU concernant le projet de démolition des logements du 37 au 49 rue Pierre-Curie. Dans ce contexte que j'évoquais plus haut, il convient précisément de protéger notre patrimoine HLM. Avec les locataires et la CNL, ce sont les questions que nous avons portées. Je veux souligner d'ailleurs l'action de notre ami Jocelyne Rioux, qui avec les locataires a mené cette bataille, et je crois que son intervention devant le comité d'engagement a été utile. Dire aussi, et à nouveau, notre mobilisation, si d'aventure les scénarios proposés devaient aller à l'encontre des souhaits de la population du quartier de notre ville, que ce soit la Bergerie, le 37 au 47 rue Pierre-Curie, ou 40 Pierre-Curie, la ville se doit se construire avec les habitants. Alors, comme vous m'aviez annoncé votre question orale qui ne m'est pas parvenue, j'avais préparé une réponse que je vais quand même vous livrer ce soir parce que je pense qu'elle intéresse tout le monde et notamment au regard des discussions que nous avons pu avoir au conseil de quartier des Malassis lundi dernier. Je pense que c'est important de rappeler un certain nombre d'éléments. Donc, la ville de Bagnolet a été destinataire il y a une quinzaine de jours de l'avis du comité d'engagement de l'ANRU du 7 juillet dernier, où nous avons défendu notre projet avec l'OPH de Bagnolet et cet ensemble, et auquel participaient également Roger Aceza et Jocelyne Rioux, représentant le conseil de quartier des Malassis. Je souhaite d'abord me réjouir de ce que nous avons obtenu. Permettez-le-moi, l'ANRU assurera le financement à hauteur de 70% du projet municipal du nouvel équipement Pêche d'Or, incluant une école maternelle de 10 classes, une crèche, un centre de loisirs, une nouvelle bergerie et un grand espace vert public. Elle apportera le même niveau de cofinancement à la création de la crèche Sans Paix, à la réhabilitation du gymnase Maurice Baquet, à la reconstruction du centre social Pablo Neruda et à la création d'un nouveau dojo en lien avec le bâtiment de la future piscine. Vous avez d'ailleurs noté dans la presse que la candidature de la ville de Bagnolet via Est Ensemble a été retenue pour réutiliser l'un des bassins issus des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Il y aura donc un héritage des Jeux à Bagnolet et en tout état de cause, nous sommes mobilisés là-dessus. Ce taux de 70%, est le taux le plus élevé des 450 quartiers éligibles à l'échelle nationale grâce au travail mené depuis plusieurs années par la municipalité. Pour rappel, le taux de subventionnement de la ville sur le premier programme ne dépassait pas 30%. Je me réjouis également de la décision de l'ANRU de subventionner à hauteur de 50% la seconde phase de réhabilitation de la dalle de la Noue et de financer la réhabilitation et la résidentialisation des 165 logements de l'OPH des bâtiments adjacents B70 et T1. L'ANRU subventionnera également au Malassis la réhabilitation des 97 logements sociaux du bâtiment T1. Naturellement, l'ANRU n'a pas retenu l'intégralité du projet construit avec et par les habitants depuis 2018. Notre choix de ne pas densifier ces quartiers par la construction de logements privés et de limiter au maximum les démolitions de logements sociaux au profit de réhabilitations ambitieuses a pesé dans le choix. Ainsi, l'ANRU n'a pas retenu le secteur de la couverture de l'autoroute A3 sur lequel nous devons nous retravailler avec Est Ensemble. Elle n'a pas non plus retenu la réhabilitation des logements du secteur Sadi Carnot et le réhabilitagement de la rue de la Barre Nouvelle qui seront financés par l'OPH dans le cadre de son programme pluriannuel d'investissement. Enfin, et s'agissant des démolitions sur les secteurs de la Dalle Torres, si l'ANRU a validé la démolition consensuelle des 42 logements du 18 rue Pierre-Marie-Curie, elle a jugé insuffisante la démolition des 24 logements situés au 37 et 45 de la même rue. Elle privilégie, c'était un risque que nous avions souligné au moment de la concertation, la démolition du bâtiment du 40 rue Pierre-Marie-Curie, que nous sommes nombreux à connaître sous le nom de la Tour Honda. Elle estime que les désordres urbains que nous souhaitons résorber en démolissant la dalle ne pourront l'être pleinement qu'en supprimant cet immeuble de 85 logements et de plus d'une centaine de familles. Elle nous laisse enfin le choix de démolir ou non les halls du 37 à 45, c'est vrai, comme vous l'avez précisé. Nous avons désormais six mois, pour revenir devant l'ANRU avec une proposition sur cette partie du projet. Je l'ai dit lundi dernier au Conseil de quartier des Malassis, il nous faut d'abord, avec nos partenaires que sont Est Ensemble et l'OPH, analyser finement, digérer l'avis de l'ANRU et en évaluer les implications financières, juridiques et en termes de calendrier afin de construire des scénarios à soumettre aux habitants du secteur Torres dans le cadre de nouvelles phases de concertation qui va démarrer dans les prochaines semaines. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas souhaité communiquer jusqu'à présent sur ce dossier et je regrette vivement l'empressement de certains à écrire aux locataires du 40 Curie pour leur dire qu'ils allaient être expulsés sans autre explication et sans autre jugement, générant chez eux une anxiété compréhensible. Nous concerterons largement les habitants du secteur et ses locataires en particulier dans les prochaines semaines, mais nous le ferons quand nous aurons des propositions précises et solides à leur soumettre. Des rencontres sont prévues dans les prochaines semaines avec les services d'Est Ensemble et de l'Office. Pour ce qui est des projets d'ores et déjà validés, la ville va désormais avancer avec ses partenaires pour conventionner avec l'ANRU sur cette première partie et passer à la phase opérationnelle du programme. Madame Garrido. Comme je l'ai dit déjà cette semaine lors du conseil de quartier des Malassis, je pense que le conseil municipal de Bagnolet doit souligner le fait que l'ANRU, ce n'est pas forcément notre ami. L'Agence nationale de rénovation urbaine a une certaine conception de la rénovation urbaine qui passe, numéro un, par le fait de revendiquer systématiquement des démolitions aux communes auxquelles elle accorde des financements, parce que la logique sous-jacente à cette politique de rénovation urbaine, c'est de soutenir le marché de la construction. Donc, pour fabriquer de nouvelles choses, il faut en détruire d'anciennes. Et selon l'adage, quand le bâtiment va, tout va. Donc, c'est quand même une logique qui est fondamentalement anti-écologique, puisque la prise en compte des enjeux environnementaux commande de privilégier la réhabilitation plutôt que de la démolition, qui est extrêmement chère énergétiquement. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en plus de favoriser la résidentialisation, le creusement de nouvelles voies, l'ANRU procède à une forme de chantage dont nous sommes ici parfaitement les victimes et l'exemple. C'est, en gros, si on n'applique pas ces critères de l'ANRU, on n'a pas l'argent dont on a besoin. Et le problème, c'est que les communes, et là, encore une fois, on en est l'exemple, entrent dans une négociation avec l'ANRU pour essayer de satisfaire les désidératas de l'ANRU, y compris lorsque ça s'oppose à l'intérêt de la population et aux informations qui ont été transmises préalablement aux habitants. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'affaire de la démolition des immeubles du 37 au 45 rue Pierre et Marie Curie. Pendant la campagne municipale, alors que visiblement, vous, à la mairie, vous aviez déjà entamé cette discussion avec l'ANRU sur la possible démolition de ces immeubles, vous ne l'avez pas dit aux habitants. Et en tout état de cause, la démolition de ces bâtiments n'a jamais été revendiquée par les habitants dans le cadre de la concertation antérieure. En réalité, nous découvrons récemment, et petit à petit, parce que c'est vraiment un domaine dans lequel il y a un manque total de transparence, que l'ANRU voulait dès le départ démolir la tour Honda. Et que visiblement, c'est plutôt chez vous, à la mairie, que l'idée a germé de détruire plutôt le 37-45, rue Pierre et Marie Curie, pour ne pas avoir à détruire la tour Honda, notamment parce qu'il y a 44 fois logements et que ça fait beaucoup de monde à reloger, tandis qu'en bas, ça faisait moins de monde à reloger. Vous dites par ailleurs que la démolition du 18 est consensuelle. Non, il y a quand même des familles qui sont très mécontentes de devoir quitter le 18. Bon. En tout état de cause, il apparaît maintenant que, suite à la mobilisation des habitants, qu'il faut souligner, il faut souligner la mobilisation des habitants, parce qu'évidemment que tous, on n'en serait pas là aujourd'hui s'ils ne s'étaient pas eux-mêmes mobilisés pour considérer qu'ils doivent être respectés, qu'ils ne sont pas des pions, qu'on ne va pas démolir leur immeuble pour faire plaisir à l'ANRU, juste pour faire plaisir à l'ANRU, qu'il y a là-dedans des familles, des gens qui sont là depuis des décennies, dans des logements qui sont par ailleurs viables, en de bonne qualité et qui ont fait récemment l'objet de rénovations. Donc les gens se sont mobilisés, et résultat, l'ANRU, badaboum, décide cet été que, ah bah finalement, c'est vrai, la démolition des immeubles du 37 au 45 rue Pierre-Marie Curie, en fait, ça ne sert à rien. En fait, ce n'était pas utile. Ce qui est contraire à tout ce que vous-même vous aviez dit sur place, lors de vos déplacements dans le quartier, où vous avez dit aux habitants, mais si, vous comprenez, parce qu'il y a un problème de vue, il faut dégager la vue. Enfin, ouais. Vous aviez été prolixe pour argumenter dans le sens que vous l'avez demandé l'ANRU, pour qu'au final, l'ANRU, au final, recule. Bon. Donc ça, je pense que vous devez le prendre comme une leçon. C'est-à-dire que si vous allez au-devant des besoins de l'ANRU ou des demandes de l'ANRU contre les habitants, eh bien, ça ne marche pas. Parce que les habitants finissent par comprendre ce qui se passe, finissent par se mobiliser et finissent, c'est le cas actuellement, par avoir gain de cause. Et c'est idem sur la question de la tour Honda maintenant. Ça n'est pas normal qu'on la prenne par la bande, la décision de l'ANRU, enfin la dernière proposition de l'ANRU, et vous reprochez à demi-mot aux députés d'avoir informé les habitants. Bah, alors, vous n'avez pas prononcé son nom, mais... Donc, vous reprochez aux députés d'avoir informé les habitants de cette décision de l'ANRU. Ben pardon, mais ça s'appelle la transparence en politique, ça. D'accord ? Alors, vous pouvez dire que maintenir les choses secrètes, c'est mieux comme forme de gouvernance et plus démocratique. Ça n'engage que vous comme concession de la politique. Du côté des habitants, on préfère savoir. On préfère savoir ce qu'il en est. On préfère savoir que l'ANRU veut la peau de la tour Honda. On préfère se mobiliser le cas échéant s'il y a besoin de le faire. Et effectivement, je pense que vous devez rompre cette habitude de tout préparer dans le dos des habitants et finalement venir faire des PowerPoint sur la base d'images et des documents que vous ne distribuez même pas aux gens. C'est toujours pareil. On vient au conseil de quartier, on découvre comme ça de loin dans les écrans, on repart avec zéro papier, zéro trace écrite, c'est toujours pareil. Et après, vous dites non, j'ai pas dit ça. Et en plus, vous poussez le bouchon jusqu'à accuser d'autres personnes d'intention. Là, par exemple, l'autre jour au conseil de quartier, vous avez dit à un habitant de la tour Honda que je voulais détruire la tour. Et vous avez dit aussi à une dame du 40 que c'est le député Corbière qui voulait détruire la tour Ronda. Ça, ce sont des calomnies, ce sont des mensonges, et on ne peut pas jouer avec la vie des gens comme ça. Donc, nous, on vous demande maintenant, effectivement, l'ANRU veut un scénario. Je vous remercie de conclure, Mme Garrido. Oui, je vais conclure. Allez-y. L'ANRU demande maintenant à ce qu'il y ait un nouveau scénario qui soit construit. Il doit être co-construit avec les habitants. Nous, c'est la seule chose qu'on vous demande, avec les habitants, avec l'opposition municipale, avec toutes les personnes, les parties prenantes qui sont impliquées et qui sont concernées. Voilà. Cessez de faire les choses dans votre coin, cessez de donner des informations incomplètes, voire mensongères, parce que l'on perd du temps. Et si, en définitive, il faut affronter l'ANRU sur ces dossiers-là de la dalle, comme par ailleurs sur la question de pêche d'or, parce que là aussi, il y a quelque chose, il y a anguille sous roche, puisque l'ANRU, au départ, n'avait pas demandé la construction de l'école pêche d'or dans le format que vous, aujourd'hui, voulez imposer, ce qui implique la destruction de la bergerie des Malassis. La transparence est le meilleur outil de gouvernance. En tout cas, nous sommes très attachés et on veillera à ce qu'elle soit appliquée. Merci, Mme Garrido. La difficulté, en fait, c'est que vous ne connaissez absolument pas ce dossier. Vous n'y connaissez rien, en fait. Et les habitants du 37-45, je crois qu'ils... Je ne vous ai pas interrompu. Je vais vous rappeler deux, trois principes. Effectivement, il faut se mobiliser... contre l'ANRU, que certains ici ont qualifié de technocrate. Et effectivement, il y a des partenariats forts, si on en croit la convention qui a été signée cette semaine entre le président de l'ANRU et le président de la Fédération française du bâtiment, pour développer des partenariats. Lorsque les habitants se sont mobilisés pour que les bâtiments BB4 et C4, au Malassis, vous savez, un peu plus loin, ne soient pas démolis, l'OPH a pris ses responsabilités, la ville a pris ses responsabilités, a écouté les habitants, et on a collectivement, les uns, les autres, défendu le fait que ces bâtiments ne soient pas démolis. Ils n'ont pas été démolis. On va les réhabiliter, l'Office va les réhabiliter. C'est l'Office qui finance à 100% la réhabilitation de ces bâtiments. L'ANRU a dit... OK, vous ne démolissez pas, il n'y a pas de problème. On ne peut pas vous obliger à démolir. Mais on vous file zéro. Ça, c'est la réalité des choses. Ensuite, vous dites qu'on n'a jamais évoqué la démolition de certains bâtiments. Ça a justement été au cœur d'un certain nombre de discussions au mois de janvier, lorsqu'on a réuni les habitants, puisqu'on leur a bien expliqué que le risque qui a été pris, et on l'a dit, on l'a redit, c'était que l'ANRU demande... comme il le demande à la ville de Montreuil, sur le clos français, de démolir davantage. Et c'est ce qui se passe. Effectivement, l'ANRU dit la démolition de la barre 37-45 peut être requestionnée. C'est écrit noir sur blanc. L'ANRU dit aussi, nous ne financerons pas la réhabilitation du 40 Curie. Et effectivement, il y a des habitants qui sont attachés à cet immeuble, mais il y en a aussi... qui nous avait dit pendant la concertation, mais pourquoi vous ne démolissez pas notre bâtiment qui vit mal, etc. etc. Donc, voilà, on n'a pas de tabou. Pourquoi on n'a pas communiqué en direction des habitants? Parce que, en fait, on doit travailler là avec Est Ensemble dans les prochains jours. On a une réunion programmée avec Est Ensemble, avec l'Office, pour commencer à travailler des scénarios alternatifs. Parce que, si vous voulez, la question qui se pose aussi, c'est quid des financements sur la démolition de la dalle, éventuellement si on ne démolit pas le D2, puisque ce que dit l'ANRU à un moment donné, c'est qu'il considère que la réussite de la démolition de la dalle est aussi, à son sens, conditionnée par la démolition du D2. Donc tout ça, c'est des choses, c'est écrit, c'est pas moi, mais tout ça, c'est des choses qui doivent être analysées, questionnées, y compris avec... les conséquences financières, et on ira devant les habitants, on a pris l'engagement et on ira concerter. Effectivement, je pense que la démolition du 37-45 permettait une ouverture sur le parc et un désenclavement. Je continue à le penser. Maintenant, effectivement, l'ANRU écrit que cette démolition peut être requestionnée. Donc, voilà, tout ça, ça va être travaillé, et on va aller devant les habitants, avec des éléments précis, avec des scénarios précis, et ne vous inquiétez pas, on leur distribuera l'avis de l'ANRU pour ce qui concerne la partie bagnoletaise. On ne va pas leur distribuer la partie qui concerne les autres villes. Mais voilà, la concertation va avoir lieu. On a 6 mois. La clause de revoyure fixe à 6 mois pour aller devant l'ANRU à nouveau sur ces deux sujets-là. Pour le reste, c'est validé, on peut d'ores et déjà conventionner. Et on va rediscuter, on aura l'occasion de discuter ici, au sein du CA de l'OPH, et avec les habitants. Mais votre vision des choses est pour le moins simpliste et caricaturale. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Monsieur Vionnet. Oui, c'est très facile de... plutôt que de répondre sur le fond, de dire vous n'y connaissez rien, vos visions sont caricaturales. Bon, en ce qui me concerne, pour avoir dirigé quand même un des plus gros projets de rénovation urbaine dans une grande ville de province pendant 7 ans, je pense avoir un peu de pratique de la mécanique en rue. Bon, je trouve que là quand même, comme l'ont dit mes collègues, là quand même les problèmes qu'on a là, déjà c'est un vrai souci de transparence. Parce qu'effectivement, on avait déjà appris ces démolitions après les municipales, alors qu'elles n'avaient pas du tout été débattues antérieurement. Mais de surcroît, l'échange que nous avons ce soir, l'aurions-nous eu si, effectivement, des collègues de la ville voisine ne nous avaient pas transmis l'avis de l'ANRU, ce qui est une information que, comme conseillers municipaux, même d'opposition, nous aurions pu avoir de votre part. Aurions-nous ce débat si, effectivement, même si la question n'est pas partie, mais si Laurent n'avait pas pris l'initiative d'une question et s'il n'y avait pas eu ses interventions sur cette question ? Donc, il y a quand même, on récupère des informations, et nous, ce n'est pas grave, mais c'est surtout les habitants pour qui ça pose problème. Monsieur Vionnet, j'ai informé le président de la CNL et le responsable, l'un des responsables de la CLCV, du contenu de la décision de l'ANRU. Donc, si vous voulez, lorsqu'à un moment donné, je donne une information au président de la CNL et au responsable, l'un des responsables de la CLCV, en lui disant voilà ce que dit l'ANRU, on aura l'occasion de revenir rapidement vers vous. Je sais très bien ce que je fais en donnant ces informations, si vous me permettez. Il n'empêche qu'on peut fortement douter qu'il y ait eu cet échange en conseil municipal si nous n'étions pas intervenus sur cette question. Et puis, il y a quand même. Je me souviens ici même, comme c'est enregistré, on doit pouvoir le contrôler, qu'à une question, je ne me souviens plus si c'était moi, Laurent Jamais, que nous vous avions posée en conseil municipal, vous nous avez répondu que ces démolitions, celles de la rue Pierre et Marie Curie, étaient une demande de l'ANRU et qu'en gros, il n'y avait pas le choix parce que pour avoir l'argent, fallait démolir. Bon, on découvre quand même dans la vie que l'ANRU, aujourd'hui, considère que ces démolitions ne sont pas spécialement fondées. Donc, quand même là, un problème un peu d'honnêteté dans l'information qui est donnée. Et puis, donc là, nous, ce soir, enfin, quand nous avons connu cet avis encore ce soir, nous nous réjouissons pour les habitants, dont l'opposition à la démolition qu'ils ont manifestée semble entendue. Mais pour autant, comme l'ont dit mes collègues, on redoute l'avenir, parce que le problème de fond, il est toujours là. On voit dans la vie de l'ANRU que maintenant, c'est la tour Honda, et on voit bien que là, vous avez mis le doigt dans une mécanique, où, parce qu'on dit la démolition de la dalle, mais cette dalle, c'est d'abord un bâtiment. Il y avait des activités économiques dedans, il y a des équipements dedans, c'est pas la dalle qui a été démolie à Bobigny, hein, c'est pas un parking recouvert d'une pellicule de béton, c'est un bâtiment dans lequel sont lui-même installés des immeubles de logement. Et en fait, ce dont il s'agit là, c'est quand même le cœur du quartier des Malassis, un lieu fondamental de l'histoire sociale et culturelle de cette ville. Alors qu'il y a peut-être une histoire qui ne vous plaît pas beaucoup, parce que c'est aussi celle du communisme municipal, mais cette histoire, elle est là. Et donc, aujourd'hui, on voit bien que vous avez mis le doigt dans un système où finalement, à la fin, c'est la démolition complète de tout. La dalle, les logements, les équipements, qui reste plus rien de cet îlot. Et alors, vous dites, effectivement, et on connaît tous les positions de l'ANRU en faveur de la démolition, mais justement, dans le cas personnel que j'évoquais, oui. Mais il y en a bien d'autres à travers la France, il y a quand même, quand il y a un projet solide et une vision de surcroît partagée avec les habitants, L'ANRU peut être mécontente, les discussions peuvent être dures, mais il y a quand même beaucoup de sites, et je peux en témoigner moi-même, mais il y en a bien d'autres, à travers la France, qui, à l'issue de discussions très compliquées avec l'ANRU, ont quand même réussi à être fortement financés en ne démolissant pas de nombreux immeubles dont les techniciens de l'ANRU, voilà, cette maison a été créée comme une agence nationale de la démolition des logements sociaux dans les grands ensembles, donc elle continue son chemin de cette manière-là. Mais pour autant, il y a quand même un certain nombre de collectivités qui, sur la base d'un projet fort et de l'assentiment des habitants du quartier, réussissent à éviter ce scénario dont je redirais, j'ai redit un peu ce qui signifiait en termes de traumatisme pour les habitants, et je rejoins effectivement tout ce qui a été dit, qui en plus, au moment où le Parlement a voté une loi climat et résilience, certes très décevante, mais elle dit quand même que, normalement, pour des raisons environnementales, la réhabilitation des bâtiments doit systématiquement être privilégiée par rapport à leur démolition. Monsieur Vionnet, si vous me permettez, pour ce qui nous concerne, la démolition de la dalle, la reconstruction d'équipements publics sur le secteur, c'est un projet fort. Je ne vous ferai pas l'injure de vous dire que ces projets-là, on en parle à Bagnolet depuis le début des années 2000, depuis les opérations de renouvellement urbain, 2001, 2003, on parlait déjà de reconstruire les conservatoires, de démolir la dalle. Donc, je vous laisse aller expliquer aux gens qui habitent là-bas qu'il ne faut pas démolir la dalle, puisque c'est ce que vous venez de nous expliquer. Effectivement, l'ANRU dit et re-questionne la démolition du 37-45 Curie. L'ANRU dit, mais peut-être que chacun fait semblant de ne pas écouter ce que dit l'autre. On ne cesse de dire que le risque, c'est que l'ANRU, depuis le début, nous demande de démolir davantage. Si on avait écouté l'ANRU, on construisait sur une partie du groupe scolaire Vallon. On densifiait sur une partie du groupe scolaire Vallon. C'était ça, les schémas initiaux des techniciens de l'ANRU. Donc, si vous voulez, effectivement, on peut constater ce qui est dit sur le 37-45 Curie, mais il va falloir aussi discuter de la tour des deux. Et il ne m'échappe pas que ces 85 logements, 85 familles à reloger, peut-être plus, pour là, contrairement au 37-45, pour des questions de suroccupation et pas de sous-occupation, et que c'est un vrai sujet. Alors peut-être que vous considérez qu'on aurait dû envoyer un tract aux habitants pour leur dire, en fait, l'ANRU veut démolir dans votre bâtiment. Non, c'est pas le choix qu'on a fait. C'est pas le choix qu'on a fait. Et le risque de démolition, contrairement à ce que vous dites, il existe depuis le début. Et permettez-moi de vous dire, c'est quand même assez... allez, on va rester sobre parce que la séance est grave ce soir, mais c'est quand même assez original que ce soit vous qui nous fassiez ce type de critique. Voilà. Mais oui, on va retourner devant les habitants et on va essayer de construire un projet intelligent, un projet construit qui nous permette aussi de reconstruire des équipements publics qui, vous en conviendrez, en ont bien besoin. Anne de Rugy. Oui, merci Monsieur le maire. Je voulais juste intervenir sur le fait qu'il se trouve que moi j'avais été tirée au sort pour participer au Conseil citoyen des Malassis et qu'effectivement j'ai suivi tout le processus en rue sur la dalle Thorez et les bâtiments autour. Et effectivement, notre interlocuteur a été à l'époque beaucoup Est Ensemble, les chargés de mission d'Est Ensemble, et évidemment les adjoints et la mairie de Bagnolet. Il se trouve qu'effectivement, et je pensais que vous le saviez, qu'effectivement aucune démolition n'avait été demandée par le Conseil citoyen, en tout cas démolition de logements sociaux. En revanche, effectivement, il y a déjà eu une concertation, et c'était le résultat de la concertation que une demande de démolition de la dalle, en tout cas C'est le scénario qui avait été massivement choisi après des discussions et l'évocation de plusieurs scénarios, dont un scénario qui ne démolissait pas la dalle. Évidemment, à ce moment-là, les questions écologiques ont été discutées. Moi, je dis ce que vous disiez, c'est-à-dire, ah ben oui, mais est-ce qu'il faut démolir? Pourquoi? C'est des discussions sur la qualité du bâti, c'est des discussions d'architecture et c'est des discussions aussi sur le quartier. Parce que effectivement, cette dalle, c'est quand même quelque chose architecturalement qui casse beaucoup les cheminements, notamment les cheminements piétons dans le quartier. Il y a des petits cheminements assez bizarres derrière la piscine. Enfin, on sent pas quand même un espace public qui est optimisé. Et ça, ça ne veut pas dire tuer le communisme municipal. Bien au contraire, on appellera la place Thorez. Voilà, c'est dans la continuité et c'est l'amélioration du bâti. Ensuite, effectivement, c'est l'ANRU. Et ça, c'est un secret pour personne. C'est vrai à Montreuil. Vous n'avez qu'à lire tout le document que vous a donné le collègue de Montreuil. Il y a une demande de l'ANRU qui est la dédensification du social. Donc on est face à ça. On ne dit pas oui, merci, on négocie. On essaye de négocier pour qu'il y ait le moins de démolition possible, parce qu'effectivement, c'est assez absurde de devoir démolir alors qu'il n'y a pas de demande. Ceci dit, il peut y avoir quand même dans les démolitions de la mauvaise qualité architecturale et peut-être des bâtiments qui sont difficiles à rénover. Et il peut y avoir dans la démolition-reconstruction quand même une reconstruction de plus grande qualité, des nouveaux bâtiments qui sortent. Ça nous tombe dessus. Et ensuite, la solution, c'est soit de négocier, ce que fait la ville de Montreuil, ce que fait la ville de Bagnolet. Il n'y a pas de spécificité de Bagnolet. Soit de se retirer. Et ça n'est possible que quand on a des marges financières que la ville de Bagnolet n'a pas. Donc, effectivement, c'est une discussion sur qu'est-ce que c'est que l'intérêt général. Ce n'est pas donné d'avance. Ce n'est pas les bons qui ont trouvé l'intérêt général et les méchants qui ne l'ont pas trouvé. C'est comment on fait, quel est le bâtiment dans lequel les habitants sont le plus d'accord pour aller vers du neuf et déménager, quel est le bâtiment qui est le moins rénovable, quel est le bâtiment qui est le plus intéressant en termes de cheminement, de reconstruction, et continuer les négociations avec l'ANRU pour obtenir les meilleurs financements, ce qui est plutôt bien parti, et le moins de démolitions possibles ou les démolitions les plus consensuelles possibles. Mais je ne vois pas, on n'est pas différent de la ville de Montreuil. Je précise que c'est un petit peu pareil d'ailleurs pour les marchés des cantines, puisque effectivement la ville de Montreuil, c'est la Sogeresse, et j'ai vu que la maison mère était la Sodexo. Donc effectivement, les problèmes sont un petit peu les mêmes avec nos voisins. Et pour autant, je ne pense pas que Mireille Alphonse ne fasse rien, comme je ne pense pas que nos collègues des Lilas ne fassent rien, et je ne pense pas que l'alternative végétarienne quotidienne, ça ne soit rien. C'est quelque chose en un an. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Non? Mais on aura l'occasion de revenir devant les habitants, devant le conseil municipal et devant le conseil d'administration de l'office. Je propose de passer au vote qui est pour cette délibération, qui est contre, qui s'abstient. Elle est approuvée. Délibération suivante, sollicitation d'une subvention régionale au titre du développement urbain pour la reconstruction de l'école Pêche d'Or, la crèche et du centre de loisirs. Brahim. La direction du patrimoine municipal a sollicité une subvention au titre du développement urbain pour la reconstruction de l'école Pêche d'Or, d'un centre de loisirs et d'une crèche. La région Île-de-France met en œuvre des conventions régionales de développement urbain pour soutenir le financement des investissements réalisés par les maîtres d'ouvrage du projet urbain dans le cadre du NPRU. Cette dotation est gérée par Est Ensemble via une convention cadre entre l'EPT et la région. L'enveloppe dédiée à Bagnolet et Montreuil dans le cadre de ce dispositif est de 3 750 000 euros. Est Ensemble et les villes de Bagnolet et Montreuil se sont accordés pour une répartition de l'enveloppe à 50% chacun entre le projet situé sur les deux villes, soit 1 875 000 euros pour le projet Bagnoletais et 1 875 000 pour Montreuil. L'enveloppe sur Bagnolet de 1 875 000 est destinée au projet de reconstruction de l'école Pêche d'Or, d'une crèche et d'un centre de loisirs. dont le montant prévisionnel de l'opération était estimé à 13 620 625 euros hors taxes. Il s'agit d'un projet d'intérêt national qui répond aux critères des actions en faveur du développement urbain en lien avec la rénovation ou la requalification du tissu urbain communal pour améliorer la vie quotidienne des villes et des quartiers autour d'une priorité, les équipements pour l'enfance et la jeunesse. À l'échelle du quartier des Malassis, la reconstruction de l'école Perche d'Or répond à une forte augmentation des effectifs scolaires, en lien avec un nombre très élevé de logements qui ont été livrés en 2021. L'école Perche d'Or est devenue vétuste. Le nouveau quartier Blanqui, transformé lors du PRU 1, est l'occasion de construire un nouveau groupe scolaire comprenant une nouvelle école maternelle de 10 classes, avec une réserve pour 2 classes supplémentaires à terme, un centre de loisirs de 160 places et d'une crèche multi-accueil de 30 places en collectif et 40 places en familial. Pour accueillir tous les petits du quartier, le projet prévoit également la réimplantation de la bergerie des Malassis, collée à l'école, et à la création d'un espace vert public. Voilà. Merci. Des remarques, Monsieur Stalin. Je vous remercie, Monsieur le maire. Mes chers collègues, avant de pouvoir parler de son financement, comme vient de le faire Ibrahim, j'aimerais revenir d'abord sur le projet de reconstruction de l'école Perche d'Or, le déplacement et la réduction de surface de la bergerie, c'est-à-dire votre projet et son incohérence. En effet, c'est un contresens écologique et social. En tout premier lieu, une démarche écologique digne de ce nom accorde prioritairement du soin et de l'attention à l'existant. Or, dans votre projet, vous effacez simplement d'un trait de crayon une expérience qui s'est construite sur le long terme, depuis plus de 10 ans, et qui, aujourd'hui, est reconnue nationalement. Le Monde en a d'ailleurs fait l'éloge dans une tribune parue le 27 août dernier, dont j'ai me permis de vous lire un extrait. Les premières bêtes sont arrivées dans le quartier des Malassis en 2011 et y sont toujours. Cette bergerie extraordinaire, aux objectifs écologiques, sociaux et pédagogiques, a largement fait ses preuves dans ce quartier dit défavorisé. Cette tribune a été signée par de grands penseurs, philosophes et militants écologistes. Par exemple, Dominique Bourg, fondateur de Génération Écologie. Tous y ont loué et défendu la bergerie des Malassis. La directrice de l'école, Perche d'Or, fait partie des signataires de cette tribune. D'ailleurs, c'est un petit peu contraire à ce qu'annonce votre courrier qui accompagnait justement le dépliant que je vous montrerai tout à l'heure. Vous indiquez, une fois le projet validé par tous les acteurs, y compris l'actuelle direction de la maternelle Perche d'Or, la ville s'est engagée pour réaliser le projet. Non, elle a voté pour au jury de concours. Elle était au jury de concours, elle a voté pour. Très bien, voilà. Peut-être c'était que la même, projet hein. A évolué. C'était la même. En tout cas, son avis aujourd'hui a évolué, puisque, voilà, en tout cas, les signataires de la tribune. Je précise simplement ce fait. Malheureusement, monsieur le maire, et malgré tous ces échos et articles dithyrambiques, sans parler des différentes mobilisations, vous avez toujours envisagé la bergerie des Malassis comme une contrainte, voire un problème, alors qu'elle est là, elle est une richesse et une chance, une réelle chance. Et aujourd'hui, vous vous entêtez encore dans votre volonté de déplacer et de réduire l'espace de la bergerie. De plus, vous tentez de manipuler l'opinion en faisant paraître un document vantant les mérites de votre projet. Il est ici. Vous montrez ce que personne ne verra. Une vue aérienne et une perspective qui n'est vue de personne puisqu'elle se situera tout au fond de la bergerie. Donc voilà. Vous tentez donc vous montrer ce que personne ne verra et une vue aérienne, une perspective principale, des arbres sur le toit, du marketing. Vous vendez du rêve, c'est une façon en tout cas. Fini la vision des chefs depuis la rue, l'implantation de votre projet relègue la bergerie à l'arrière-plan. Et pourtant, beaucoup de gens ont plaisir à s'arrêter simplement quelques instants pour admirer les animaux et le lieu. Vous avez aussi un devoir quant au bien-être de vos administrés, monsieur le maire. Pourtant, vous le savez, un projet alternatif 100% écolo, imaginé par l'association Sort de Terre et ses soutiens, des urbanistes, des architectes, des sociologues, ce projet existe. En tant que fondateur et usager, qui d'autre qu'eux serait plus à même de développer concrètement et correctement cette nouvelle école bergerie ? Leur projet capte 2500 tonnes de carbone, tandis que le vôtre en émettra 5600. C'est tout simplement aberrant à ce moment de l'histoire. Je vais reprendre un nouvel extrait du Monde qui décrit si bien cette situation, justement. La ville prévoit en effet la construction d'un imposant groupe scolaire, immense bâtiment de béton, dont l'implantation condamnerait toute la partie la plus verte de l'îlot. Le 20 mai, un projet alternatif a donc été présenté par Sort de Terre à la mairie. Celui-ci prévoit un ensemble de bâtiments en bois, entourés de jardins, construits à l'emplacement actuel de l'école, ce qui préserverait l'identité paysagère du site et ses qualités pédagogiques, renforcerait la cohésion citoyenne locale et le partenariat entre l'association et l'école et donnerait enfin à la bergerie une existence officielle. Et les signataires de ces tribunes vous posent aussi ces questions, monsieur le maire. Pourquoi construire du neuf impliquerait-il de détruire ce dont les enfants ont besoin? Pourquoi couper la quasi-totalité des arbres, détruire la bergerie et la maison des gardiens et construire sur 2860 m² de sol naturel? Pourquoi construire la nouvelle école plein sud, au soleil, avec un parvis minéralisé? Pourquoi, pour finir, remplacer le jardin de pleine terre par un toit végétalisé sur une dalle de béton? Toutes ces questions restent sans réponse encore. Et je conclurai par ce dernier extrait. Comment expliquer alors que le maire actuel, réélu grâce à sa promesse de faire de Bagnolet une ville écologique, solidaire, citoyenne, s'entête à refuser cette alternative et s'apprête à aggraver aussi l'inégalité d'accès aux espaces de nature? En sachant que cela permettrait aussi à Bagnolet, une des villes les plus endettées de France, une économie non négligeable de 2 millions d'euros. Pour toutes ces raisons, et surtout parce que bon nombre de nos concitoyens s'opposent à votre projet, nous réclamons un référendum local sur ce sujet. Vous proposiez tous, sans exception, dans vos programmes respectifs au moment des municipales, il y a moins d'un an, enfin un peu plus d'un an maintenant, de mettre en place une démocratie locale plus active, plus vivante, et de partager la responsabilité. Eh bien, l'occasion vous en est donnée. Deux projets existent. Laissons les Bagnoletaises et les Bagnoletais en décider. Monsieur le maire, faites un acte fort. Revenez sur votre projet et consultez la population. Notre groupe ne prendra pas part au vote de cette délibération. Je vous remercie. Bah, tout ça pour ça, monsieur Stalens. En fait, je ne sais pas, en fait. On a eu déjà la discussion sur... ce projet, on a déjà eu l'occasion de vous expliquer que ce projet a été validé fin 2018 par un jury de concours à l'unanimité dans lequel auquel participait madame la directrice qui a voté pour le projet retenu. Après, elle a le droit de changer d'avis, il n'y a pas de problème. Qu'on était aujourd'hui tenu par le temps, que l'on avait dédensifié le projet initial qui avait été validé en 2013 avec un projet d'aménagement validé par le conseil municipal, qu'on a dédensifié, qu'on ne construit pas les deux derniers bâtiments d'éphage, qu'on souhaite maintenir la bergerie sur place, que l'on crée un grand espace vert public qui est avec lequel la bergerie pourra communiquer sans aucune difficulté, que l'association Sort de Terre pourra travailler à la définition des usages de cet espace vert public. Tout ça, on l'a déjà dit. J'ai rencontré il y a peu Gilles Amar, le responsable de l'association Sort de Terre. Il m'a demandé de lui formaliser les propositions qui sont celles de la ville concernant la phase provisoire des travaux, concernant la phase définitive. Je lui ai formalisé tout ça. La ville souhaite le maintien de l'association, mais la ville souhaite aussi que ce projet aille à son terme. Dire aujourd'hui que le projet alternatif coûterait 2 millions d'euros de moins que le projet de la ville, c'est faux. C'est faux. Vous l'avez fait rechiffrer ? Mais on a déjà eu l'occasion de discuter en mai. Si vous voulez, dans les tableaux de l'association, il y a une indemnisation du groupement d'entreprise, du groupement Hervé, qui est chiffrée à hauteur de 100 000 euros. Par exemple, on a déjà expliqué à l'association qu'il fallait envisager plutôt une indemnisation à hauteur d'un million d'euros. Vous ne parlez pas là, parce que ça ne vous arrange pas d'en parler, mais que le projet alternatif prévoit également la construction d'une école provisoire de 10 classes. Mais on ne nous dit pas où on doit construire l'école provisoire de 10 classes. Et l'école provisoire de 10 classes, elle va aussi avoir un coût. Vous voyez, le projet alternatif prévoit ça aussi. Et tout ça, on a eu l'occasion d'en discuter très tranquillement avec Gilles Amar, on lui a fait part de nos propositions, on lui a fait part de notre détermination à avancer sur ce projet, à notre volonté de continuer à travailler avec lui, sans doute à travailler mieux avec lui. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai formalisé, en accord avec mes collègues de la majorité municipale, j'ai formalisé les propositions de la ville. Voilà, à un moment donné, on peut dire, il a dit, il parle, etc. Là, c'est formalisé, c'est écrit. Et si vous voulez, Gilles Amar souhaite qu'on puisse avancer avec des projets de convention. Là, il y a déjà des bases assez claires qui permettent d'avancer sur des conventions et sur de réels partenariats, tant avec la ville qu'avec l'OPH. Vraiment. Et vous êtes quand même conscient d'être face à une forte opposition récurrente et diverse. Je ne vous ai pas donné la parole. Edith avait demandé la parole, vous pourrez la reprendre après. Si vous voulez, il y a des gens qui défendent la bergerie, et puis il y a d'autres gens qui la défendent moins. Vous voyez, donc, à un moment donné, il faut aussi entendre les choses. Il faut aussi entendre, à un moment donné, ce que disent les parents d'élèves ou la direction de la maternelle Vallon, des choses comme ça. Voilà, il faut entendre les choses. Il y a des gens qui sont attachés fortement à la bergerie. Nous sommes attachés à la bergerie. Et il y a aussi des gens qui disent, à un moment donné, c'est bon, il faut avancer. Edith, Félix. Oui, bonjour. Donc là, je pense qu'effectivement, il faut qu'on se réjouisse collectivement de cette subvention de la région pour la reconstruction de l'école Pêche d'Or, qui vient s'ajouter à d'autres subventions. Donc c'est comme pour les deux délibérations précédentes sur les dotations politiques de la ville et soutien à l'investissement local. C'est une très bonne chose que nous puissions ainsi récupérer des fonds externes à la ville. Donc, sur l'école Pêche d'Or, Monsieur le maire l'a dit, ça fait de ce projet un projet extrêmement bien subventionné à hauteur de 70%, ce qui est remarquable. Et donc, ça permet de, effectivement, répondre, ça nous permettra d'avoir un beau projet qui répondra aux aspirations et aux exigences environnementales. Je rappelle que le projet tel qu'il est conçu aura un bilan positif sur la pleine terre, puisqu'on débitume les cours d'école. Donc, on gagne sur des espaces en pleine terre. Concernant la tribune du Monde, je pense que les personnes qui l'ont signée étaient bien mal informées, puisque la tribune parle simplement de destruction de la bergerie et non pas de reconstruction de cette bergerie. Donc c'est un élément un petit peu fondamental. Les personnes qui l'ont signé n'avaient pas connaissance non plus de effectivement ce que Monsieur le maire a évoqué sur les différentes étapes et concours et sur les conséquences qu'aurait un délai dans le cadre d'un projet alternatif. On serait obligé de prendre du délai pour la reconstruction de cette école et prendre du délai pour la reconstruction de Pêche d'Or, c'est prendre aussi des délais pour les reconstructions des écoles, pour le planning général, la programmation générale de la reconstruction des écoles à Bagnolet. Donc je pense que tous ces éléments n'étaient pas connus des signataires de la tribune. Et voilà. Après, il y a une chose que j'ai dite, que nous avons dit. Effectivement, le jury de concours, il a eu lieu fin 2018. Aujourd'hui, si on avait un jury de concours sur ce type de projet, sans doute que ce serait un autre projet, qui un autre type de projet, un autre modèle de projet qui pourrait être retenu. Sauf qu'à un moment donné, il y a eu des discussions, on nous a dit « ok, go », donc on a dit « go ». Voilà. Donc on a dit « go ». Après, voilà, chacun a le droit de changer d'avis, on ne va pas refaire le débat. Mais oui, effectivement, les ordres de service, ils sont bien partis après qu'on nous ait dit « go ». Voilà. Monsieur Lyonnais. Oui, brièvement, parce qu'on ne va pas refaire un débat qu'on a déjà eu 10 fois. Et je pense qu'on a, les uns et les autres, échangé les arguments. Mais j'entends ce que vous dites à l'instant, que c'est peut-être pas le projet que vous choisiriez aujourd'hui. Bon, je pense que justement, à un moment donné, ce sont des choses compliquées. Il peut être opportun justement de reposer les choses, et c'est ce qu'on essaye de vous demander depuis un certain temps. Et en fait, on voit bien que dans la suite des délibérations, et celle-là en témoigne encore, bon, ben, on continue de faire avancer le bulldozer. Alors j'entends que c'est un choix que vous revendiquez. Bon, ben, nous ne pouvons qu'en prendre acte, hein, mais les positions dans cette salle sont connues. D'autres interventions ? Monsieur Stalens, allez-y. Juste très rapidement. C'est, je pense que vous êtes face à une opposition qui est très ancienne maintenant, parce que peut-être que le problème n'a pas été pris dans le bon sens dès le départ. J'imagine que celui de 2018, le projet dont vous parlez, qui avait été apparemment validé, n'était pas du tout celui qu'on a aujourd'hui. Puisque, de mémoire, à l'époque, Gilles était déplacé sur un autre terrain, donc le problème de la bergerie, il n'en était plus un. On était dans une autre dimension. Cette solution a été refusée par Gilles, de déplacement. Il est resté sur site, il a voulu rester sur site, et c'est là peut-être que on aurait peut-être dû reprendre les choses dans le bon sens et dans le bon ordre. Ce que je cherchais à dire dans mon texte tout à l'heure, c'était que c'était le point de départ, la bergerie. C'était le centre du projet. Il fallait tourner autour. Il ne fallait pas rentrer dedans et faire en sorte que ça puisse prendre le moins de place possible. Je crois que je vais m'arrêter là, puisque le débat, on l'a déjà eu plein de fois, et je pense qu'on peut l'avoir encore longtemps. Et j'aimerais juste faire une aparté dans la bouche d'Edith Félix, représentant le groupe Écolo Solidaire, comme seule vertu trouvée à ce projet qui soit extrêmement bien financé pour une écologie, ça me contrarie un petit peu. Je vous remercie. Juste avant de donner la parole à Anne, juste quand même... le programme de renouvellement urbain de la ville de Bagnolet, qui a été voté par le conseil municipal en 2009, voilà, il prévoyait déjà la reconstruction d'une école et le déménagement de la bergerie. Nous, lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités en 2014, l'état des discussions, lorsqu'on a remis sur le tapis des ateliers en 2014-2015 pour revoir ce qu'on pouvait modifier dans le PRU, la ville était le maître d'ouvrage de la reconstruction de la bergerie. Les discussions que nous avons eues pendant plus de 2 ans avec Gilles Amar ont consisté à un moment donné à voir comment on pouvait avancer là-dessus. Et à un moment donné, il a dit, monsieur le maire, laissez-moi reconstruire ma bergerie. C'est ça qui s'est passé. Donc, à un moment donné, pourquoi on a délibéré en conseil municipal à hauteur d'une somme de 360 000 euros de subvention d'investissement ? C'est tout simplement la somme qui était prévue dans le cadre du PRU. Et la somme qui était prévue dans le cadre du PRU, on l'a fléchée sur l'association pour que ce soit l'association qui soit opérationnelle dans la reconstruction de la bergerie. C'était ça, l'état des discussions. L'état des discussions, c'était ça. Et à un moment donné, lorsque Gilles a accepté de déménager en disant voilà, c'est pas le projet que j'aimerais, mais je déménage, j'accepte de déménager. Il est venu ici, on l'a déjà dit, il est venu ici et il a dit je vais au fond des prix jumeaux. C'était ça le projet et je reconstruis ma bergerie. Si vous voulez, ça s'est pas arrêté comme ça. Il y a eu plein de péripéties, mais on a discuté pendant des mois sur comment ces équipes, ces architectes, etc. Définissent un permis de construire, avancent sur ce travail concret. Comment on travaille avec Eiffage sur la définition du futur jardin public. À l'époque, il faisait 600 ou 700 mètres carrés. Donc, il a changé d'avis, dont acte. Mais si vous voulez, à un moment donné, les choses ne sortent pas de nulle part. Ne sortent pas de nulle part. Et on ne peut pas nous accuser constamment en nous disant « vous faites rien, vous avancez sur rien, vous parlez des subventions, c'est un peu caricatural ». De critiquer Edith sur le fait que ce projet est financé à hauteur de 70%. Si vous voulez, vous passez des conseils municipaux entiers à nous dire qu'on est incapable d'aller chercher des financements extérieurs. Vous nous l'avez reproché à plusieurs reprises, peut-être pas vous, peut-être M. Vionnet. Donc on va chercher des subventions. Effectivement, ce projet, aujourd'hui, un jury peut-être retiendrait un autre type de projet, mais aujourd'hui, il faut avancer, il faut que ça se concrétise, il faut qu'on construise cette école, ce centre de loisirs, cet équipement petite enfance, et qu'on puisse maintenir la bergerie sur site. Et c'est ce à quoi on s'emploie. Anne. Je vais être très brève, mais effectivement, il y a beaucoup de mensonges qui sont dits. Et il y en a dans cette tribune. Et d'ailleurs, je pense que certains se sont fait abuser. Parce que, effectivement, hier encore, une lectrice de la tribune, je ne donnerai pas son nom, par égard, m'a dit « Ah bon ? Mais vous la mettez à 50 mètres, la bergerie ?» Elle sera toujours là. Ah oui, elle sera toujours là. Ah bon, elle sera toujours là pendant les travaux. Oui, elle sera de même taille. Oui. Ah, pendant les travaux, oui, effectivement, ce sera un peu plus petit. Je rappelle que dans le projet alternatif, c'est tous les enfants qu'on déménage. Donc, déménager des enfants, ce n'est pas un problème. Mais déménager une bergerie, c'est un problème. Mais partout, il y a des bergeries qui déménagent. Au Larzac, il y a des bergeries qui déménagent. Donc, oui, ça peut arriver que des animaux déménagent. Et donc, reste halluciné. Ensuite, deuxième mensonge, c'est deuxième mensonge. Écoutez, j'étais interrompue. Anne de Rugy, Anne de Rugy, Europe Écologie Les Verts. Anne oui, de Rugy, tout à fait, Europe Écologie Les Verts, revendiquée. Présidente du groupe, co-présidente du groupe Écologie et Citoyenneté à Est-Ensemble et vice-présidente du groupe Écologie à la Métropole du Grand Paris. Le deuxième mensonge, malheureusement, c'est de dire qu'il y a un projet alternatif dans les temps et pour moins cher. Là, j'ai fait des recherches parce que je me suis dit, oui, ce serait quand même intéressant juste de le savoir. Pas plus tard que le 14 septembre 2021 dans Le Parisien, je vois des matériaux biosourcés pour un collège, un projet de collège dans le Loiret, 42 millions d'euros. Donc on est assez loin des chiffrages qui sont faits. Sans compter que les chiffrages sont même très approximatifs. Le biosourcé, ce n'est pas bien. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer. Ce n'est pas bien, c'est cher, il ne faut pas le faire. C'est juste un peu plus cher. Si c'est ça l'écologie, bravo. Un de Rugy, c'est rien, mais ça ne coûte pas moins cher. Effectivement. C'est incroyable. Votre position est incroyable. Être rigolo, c'est avoir oublié ce qui est cher, ce qui n'est pas cher. C'est penser que les finances publiques, c'est quelque chose qu'on peut dépenser comme ça. C'est penser qu'il on vous parle d'économie. Je vous parle d'économie. Monsieur Stalin, Madame de Rugy, vous nous avez expliqué qu'il y avait un projet alternatif qui était écologiquement meilleur, viable et qui coûtait moins cher. Oui. Donc on vous démontre que c'est pas vrai. Voilà. Parce que vous oubliez plein de choses, qu'il y a des coûts supplémentaires. Ce que vous dire, Anne, je vous dis que vous oubliez fortement l'indemnisation du groupement d'architectes, vous oubliez fortement qu'il faut reconstruire, une école provisoire de 10 classes. Donc il faut la reconstruire et il faut trouver l'endroit. Mais ça, vous ne nous dites pas où. La dernière fois que ce sujet a été évoqué, on m'a dit qu'il faut le reconstruire un peu plus haut, rue Raymond Lefebvre, de l'autre côté de la rue. Mais c'est le terrain qui est prévu dans le cadre du PRU1 aussi. Pour Action Logement. Vous voyez, donc à un moment donné, moi je veux bien qu'on fasse semblant de pas entendre, mais si vous voulez, il y a un certain nombre de contraintes. Mais je suis pour, nous sommes pour la construction de cette école, pour la construction dans les temps impartis. On n'a aucune différence, ni sur le site non plus. Ce qu'on vous parle, c'est de méthode, c'est de volonté politique. Oui. C'est de mise en place d'une organisation qui permet à une richesse locale de continuer à perdurer et à apporter le bénéfice qu'elle apporte à cette ville. Et d'en faire le centre du projet, et non pas d'en faire quelque chose qui est contrariant, qui est handicapant. C'est ça le problème. Vous parlez tout à l'heure, vous me disiez que ça a commencé en 2009. Ouais. Vous êtes ici depuis 2014. Ouais. Vous étiez déjà conseiller municipal, déjà en 2009 d'ailleurs. Et je l'ai voté en 2009, le projet. Je l'ai voté en 2009 parce que c'était un projet d'intérêt général. Et juste, je vous précise que ce projet, le projet PRU1, il a été voté à l'unanimité du conseil municipal en 2009. Mais ça fait donc 12 ans qu'on réfléchit à ce problème. Il vous a pas échappé qu'on a mis 4 ou 5 ans de plus parce que le PRU1 avait démarré plus que laborieusement, qu'on a mis 4 ou 5 ans de plus à lancer ce projet et que tout le monde nous disait, lorsqu'on est arrivé aux responsabilités à l'époque, que jamais vous ne réussirez à sortir le PRU. C'est ça qu'on nous disait à l'époque. Anne, pardon. Et si tous les projets d'il y a 12 ans étaient toujours d'actualité, Notre-Dame-des-Landes serait en train de se construire. Bien sûr. Oui, 40 ans de lutte, Notre-Dame-des-Landes. Hein. Donc, ce n'était pas voté à l'unanimité deux ans avant, sans aucune contestation. Sans aucune contestation. Et puis, personnellement, je ne mets pas tout à fait sur le même plan un aéroport avec pas mal de pistes et une école maternelle de 10 classes avec un centre de loisirs. Et une crèche, parce qu'effectivement, je pense que toutes les activités humaines ont un impact écologique. Et qu'entre les activités humaines, il faut choisir celles qu'on juge les plus utiles. Et il se trouve qu'un commun, on peut l'appeler comme ça, un espace commun, un service public, c'est quelque chose qui est utile, particulièrement en Seine-Saint-Denis. Alors je terminerai juste sur une chose. Qu'est-ce qui est écolo dans ce projet ? Ce qui est écolo dans ce projet, c'est 3000 m² de désartificialisation. Alors, ce n'est pas 3000 m² de désartificialiser parce qu'il y avait une part qui était déjà, mais c'est un espace de pleine terre plus grand. Quand on est écologiste, on prend son mètre carré, on prend les mesures et puis on regarde. Hein. C'est comme ça qu'on fait. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Allons mesurer. Votre positionnement est totalement scandaleux pour une représentante d'Europe Écologie Les Verts à différentes institutions. Franchement, très sincèrement, je suis estomaqué. La terre tremble, mais longtemps qu'une femme est interrompue régulièrement par des hommes. Je suis sûr que c'est tout à fait normal. Anne, tu voulais conclure quand même. Non, je ne vais pas conclure. Là, apparemment, ça déstabilise des hommes. Alors, franchement, bon. Très bien le rapport entre le débat et la question homme-femme. Ça fait 12 fois que vous l'interrompez. On ne voit pas le rapport, effectivement. À chaque fois qu'une femme est interrompue, on ne voit pas le rapport. Alors, moi, je le vois. Alors, je termine. Oui, effectivement, des terres désartificialisées, je maintiens. Oui, effectivement, une bergerie pérennisée, avec des locaux, là il y a une proposition qui a été faite, des locaux pérennes, sains, conçus écologiquement à co-construire, effectivement, parce que ça c'est devant nous, c'est pas derrière nous, c'est pas comme un concours qui a déjà eu lieu, parce que c'est un petit peu plus compliqué dans ce cas-là. Un espace jardin public qui peut communiquer avec la bergerie, qui communique avec l'école, et deux immeubles en moins. Donc oui, par rapport au projet initial, je pense qu'on a gagné par rapport au projet et on maintient ce qui est maintenant baptisé ferme-école. Bon, ça n'a pas changé, mais maintenant ça s'appelle une ferme-école, d'accord, très bien. Ben, on maintient le concept et la réalité d'une ferme-école, c'est-à-dire d'une bergerie à côté d'une école. Voilà, merci. Merci. Je propose de passer au voix. Qui est pour cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Je vous remercie. Délibération suivante. Délibération actant la remise des ouvrages et équipements publics réalisés par la société concessionnaire Sequano Aménagement dans le cadre de la concession d'aménagement. C'est Loïc. Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit d'une des dernières délibérations techniques et juridiques concernant la ZAC Benoît-Hur qui a été créée en 1997. Donc, là aussi, c'est un vieux dossier, c'est tout compte fait. La fin de la ZAC est programmée cette fin d'année, pour rappel. Et cette ZAC a permis, comme vous avez pu le constater, la transformation notamment du centre-ville. Donc l'objet de cette délibération est la rétrocession à la ville pour l'euro symbolique de plusieurs emprises foncières qui sont donc notées dans la délibération par Sequano Ménagement à la ville. Est-ce que vous avez des remarques? Donc il ne s'agit pas de la délibération actant la clôture de la ZAC, je le précise, au regard des échanges qui ont eu lieu en commission précédemment. Monsieur Lionel. Oui, donc là, c'est simplement, oui, c'est effectivement la question que je voulais poser, c'est la remise des ouvrages et ce n'est pas la clôture de la ZAC. Alors, c'est la clôture juridique est en fin d'année. Les délibérations qui auront lieu aussi bien au conseil municipal qu'au conseil territorial, parce que la compétence est au territoire, auront lieu, je pense, début d'année prochaine. Et là, au-delà du calendrier, la seule question qui se pose, bon, parce qu'après, sinon, c'est de la mécanique de fin d'opération tout à fait classique, c'est le fait, c'est que devient l'ancien hôtel de ville. Puisqu'on sait qu'il y a eu des discussions, des appels à projets. L'ancienne hôtel de ville, ça fait partie des sujets que l'on doit porter dans le cadre des prochains budgets. Effectivement, il y a eu un appel à projet. Si ma mémoire est bonne, il y a eu 144 projets qui ont été déposés par les habitantes et les habitants de la ville. Et il va falloir que l'on arrive à trouver le meilleur projet qui nous permette de réhabiliter à un prix raisonnable l'hôtel de ville, comme on peut l'ancien hôtel de ville, comme on peut l'utiliser, sachant qu'il faut aussi que l'on réouvre à un moment donné la salle des mariages. Voilà. Juste une question par rapport à l'ancien, est-ce que vous engagez des frais pour l'entretenir et lui permettre de moins se dégrader? Est-ce que ça fait très longtemps que maintenant cet appel à projet, et je m'en souviens très bien, a eu lieu. Le temps s'est écoulé, les mois sont passés. Je sais ça que l'état est catastrophique. Et est-ce que vous avez sécurisé l'endroit? Est-ce que vous avez entamé des travaux permettant de récupérer ce bâtiment au bout d'un moment? Parce que si c'est pour le détruire, il n'y a pas grand intérêt. Non, on n'a pas l'intention de le détruire. On a sécurisé, mais effectivement, plus on tarde et plus c'est problématique. C'est vrai. Émilie. Juste un tout petit mot, puisque du coup, j'étais pas en charge de la démocratie locale quand on a lancé l'appel à projet, mais en revanche, c'est moi qui ai le dossier maintenant, donc je me permets. On a fait le bilan des 44 propositions qui étaient arrivées. Il y a effectivement des choses qui sont sorties. Il se trouve que si pour le moment, il n'y a pas de suite, c'est aussi, pour le coup, une volonté de ma part, mais pensant que la priorité, c'est effectivement de budgéter la réhabilitation du bâtiment, même si on y réfléchit en parallèle avec le projet de ce que pourra devenir le bâtiment, plutôt qu'aujourd'hui de faire miroiter à court terme des projets qui ne pourront pas l'être à court terme, puisque la réhabilitation du bâtiment est prioritaire. En revanche, là où on peut vous rassurer, c'est que oui, un premier budget a été alloué cette année pour les urgences, j'ai envie de dire. Vous avez dû voir que les arbres qui poussaient à l'étage ont été retirés, qu'on sécurise les fenêtres et surtout que les fresques de la salle des mariages sont protégées et en bon état et qu'une température ambiante, alors quand c'est l'été, ça pose moins le problème, mais là, on va recommencer à avoir des températures qui baissent et maintenues pour que ces fresques-là soient protégées. Donc le minimum est fait pour qu'en tout cas la salle des mariages ne soit pas détériorée, notamment les fresques, mais pour la suite, on avance d'abord avec une budgétisation de réhabilitation du bâtiment avant de revenir vers les habitants suite à l'appel à projet. Et je pense qu'on se retrouvera peut-être avec les mêmes problématiques de délai quand on aura avancé dans le temps. Il sera peut-être le moment de revenir différemment, en tout cas sans jeter aux oubliettes ce qui avait été fait, mais en le reprenant certainement avec un angle nouveau. Et une précision, c'est que l'on avance et que on avance concrètement avec CDC Habitat sur la réhabilitation du 11 Marceau, qui doit faire l'objet de la construction de quatre logements sociaux. Monsieur Jamais. Oui, dans le mandat précédent, Madame Trigot avait été interrogée déjà sur l'état des fresques. Elle avait répondu qu'elles étaient en bonne conservation, enfin au mieux que ce soit possible. Enfin, une des questions qu'on se posait, le groupe, c'était si éventuellement un jour il y a une visite, quelque chose, on aimerait bien que l'un d'entre nous puisse participer et voilà, s'assurer avec vous que, évidemment, tout va pour le mieux. Pas de souci, Émilie et Brahim peuvent s'occuper de ça. Il n'y a pas de problème pour visiter l'ancienne mairie. Aucune difficulté. Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération suivante, approbation de la convention entre la ville et la CMA Île-de-France. Jonji. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, il s'agit d'une convention cadre entre le CMA de Seine-Saint-Denis et la ville de Bagnolet. Donc, c'est le chambre de l'artisanat. Donc, en faveur du développement économique des entreprises artisanales, la Chambre des métiers de l'artisanat Île-de-France-Saint-Denis et la ville de Bagnolet souhaitent renforcer leur collaboration. Les deux institutions s'accordent pour reconnaître le caractère éminemment important des entreprises de l'artisanat dans la dynamique économique et sociale du territoire, ainsi que pour, d'une part, participer réciproquement aux actions existantes et, d'autre part, engager des actions communes en faveur de la promotion et de la valorisation de ces activités. Donc, la ville souhaite renforcer son soutien à l'activité commerciale et artisanale dans l'ensemble des quartiers de la ville. Pour cela, la ville de Bagnolet va se doter de certains outils pour redynamiser le tissu économique et commercial de son territoire. Nous travaillons sur trois outils principaux qui vont être mis en œuvre au courant de l'année 2022. Donc, c'est la création d'un droit de préemption commerciale qui permettra à la ville de pouvoir préempter les locaux commerciaux pour lutter en faveur de la diversification du tissu commercial. La mise en œuvre effective de la taxe sur les friches commerciales qui vise à inciter les propriétaires de locaux vacants depuis plus de 2 ans à mettre leurs locaux sur le marché de la location, de la vente ou créer une activité. La participation de la ville à la foncière des rez-de-chaussée d'activité que va instaurer l'établissement territorial l'EPT Est Ensemble pour intervenir sur les locaux commerciaux, parfois trop dégradés pour être occupés par un commerce ou une entreprise d'artisanat. Ces trois outils complémentaires s'ajoutent déjà au dispositif existant de la bourse des locaux qui vise à aider les propriétaires à trouver un locataire et avoir accès à des locaux qui sont à disposition au sein de de la bourse. Donc la présente convention a pour objet de préciser les axes de collaboration avec le CMA et la ville autour de la communication, création et développement des entreprises, conseil et formation des entrepreneurs, promotion des entreprises artisanales, veille, études, base de données, promotion et valorisation des activités de commerce de proximité. Nous allons aussi, dans le cadre de cette coopération, nous allons avoir une permanence mensuelle destinée à accompagner les entreprises artisanales du territoire à la ville, dans la ville, et nous allons aussi réaliser 15 chartes qualité CMA pour des entreprises artisanales de Bagnolet. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention. Merci. Donc, des remarques, des questions, Monsieur Lyonnais. Oui, donc juste pour dire que nous voterons favorablement cette délibération. Merci. Je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Je vous remercie. Les deux délibérations suivantes concernent des subventions exceptionnelles, l'une pour en faveur de la Kabylie et l'autre pour Haïti. Daouda Keïta, vas-y. Merci, Monsieur le maire. Comme vous le savez, face aux catastrophes naturelles, environnementales, sociales et politiques, notre ville a toujours fait le choix d'exprimer sa solidarité internationale en s'engageant auprès des populations sinistrées. Vous avez tous pu suivre cette triste actualité cet été. L'Algérie, dont plus particulièrement la Kabylie, a dû faire face à de violents feux de forêt. Le bilan de ce désastre humain et écologie est significatif. Des dizaines de morts sont à compter, des milliers de sinistrés et des dizaines de milliers d'hectares sont partis en fumée. De l'autre côté de l'océan Atlantique, Haïti a dû de nouveau faire face à un terrible séisme provoquant la mort de plus de 2000 personnes et des blessures à plus de 12 000 Haïtiens. Les dégâts matériels sont effarants. Des dizaines de milliers d'habitants sont détruits, des villages entiers disparus. Ce sont des centaines de milliers de personnes dont la vie a été directement impactée par ce cataclysme et qui continueront d'en connaître les néfastes conséquences dans les années à venir. Aujourd'hui, c'est en votant l'octroi de subventions à Solimed, Algérie, et à Cités Unies France, dont notre ville est membre, que nous vous proposons de poursuivre cette tradition historique de solidarité et d'humanisme et d'internationalisme de notre ville bagnolaise. Merci. Merci, Daouda. Ce qu'il y a dit, Omar. On est Jenan. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, il est évident ce soir que nous nous réjouissons que cette délibération arrive enfin au conseil municipal. J'aimerais avant tout apporter notre soutien aux populations des 18 villes d'Algérie, dont celle de Kabylie, touchées par les incendies de cet été. Des incendies qui ont ravagé le pays et causé des dizaines de morts, de blessés graves et réduit en cendres des habitations et des milliers d'hectares de forêts et d'arbres. Je tiens à exprimer toute notre solidarité avec les familles des victimes, dont certaines habitent et partagent notre quotidien dans notre territoire. Monsieur le maire, dès le 13 août, je vous avais interpellé sur le caractère urgent d'une aide exceptionnelle, sachant que quelques villes, pour n'en citer que quelques-unes, Saint-Denis, Paris, Bobigny, avaient débloqué des aides d'urgence. Il me paraissait naturel que la ville de Bagnolet fasse de même. Je vous écrivais en ces termes. Face à cette catastrophe de grande ampleur, il me semble important que notre municipalité dégage une aide d'urgence et exceptionnelle qui exprime concrètement la solidarité de la ville de Bagnolet en soutien aux populations locales durement touchées et éprouvées par les incendies. Je n'ai pas eu de réponse de votre part. Elle est là aujourd'hui, tant mieux, je m'en félicite. Notre ville est une terre d'accueil. Notre ville est une ville solidaire. Cette subvention exceptionnelle pour la Kabylie, comme celle pour Haïti, s'inscrit dans cette tradition. L'urgence aujourd'hui en Kabylie, comme dans les autres villes, est dans le reboisement. De nombreuses associations et acteurs économiques locaux se sont lancés le défi dans de vastes opérations de reboisement avec un objectif, 1 million d'arbres aux quatre coins de la Kabylie. Aidons-les à relever ce défi et apportons notre aide à cette région afin qu'elle retrouve sa richesse, sa biodiversité et son patrimoine naturel. Aussi, je soulignais tout à l'heure la riche tradition d'accueil et de solidarité de notre ville. Il est important pour nous que notre conseil municipal le souligne encore une fois, particulièrement dans un moment où prospèrent les propos venimeux et haineux d'extrême droite, et où dans l'espace public, la zémorisation des esprits et des champs politiques prend une place importante, et où ce gouvernement ne trouve rien de mieux à faire que d'adopter les idées de la droite extrême et de l'extrême droite en affirmant vouloir réduire le nombre de visas pour l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Zemmour n'a pas besoin d'être candidat pour faire la politique de la France. Nous voilà avec un gouvernement qui surfe sur les idées racistes et xénophobes dans lesquelles des corons de droite et d'extrême droite voudraient nous enfermer. Ceci est inacceptable. Par réflexe d'humanité, j'aimerais au nom de mon groupe et de ce conseil, si vous le permettez, apporter mon soutien au peuple algérien, au peuple marocain et au peuple tunisien et souhaiter qu'ils puissent bénéficier de la liberté de circulation, comme le précise l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je vous remercie. Merci, M. Djenan. Je veux bien dire un mot sur Haïti, parce que, bon, Mohamed, on avait décidé qu'il évoquait effectivement la question de la Kabylie, l'aide à la Kabylie, et pour me féliciter également de cette proposition de subvention concernant la situation tragique, je me permets d'enlever mon masque, c'est difficile en fin de conseil, la situation tragique que connaît Haïti. Je ne vais pas redire ce qu'a dit Daouda Keïta ou Mohamed Djenan sur les bonnes traditions, je dirais, de solidarité de notre ville. Je crois qu'on s'honore effectivement d'avoir ces deux délibérations ce soir. Je voulais évoquer moi deux initiatives, une qui a eu lieu et une qui aura lieu prochainement. Une qui a eu lieu en Seine-Saint-Denis, l'initiative des communistes qui ont pris l'initiative d'une soirée de solidarité avec la plateforme des associations haïtiennes en France. Et c'est là aussi 1500 euros qui ont été versés à la solidarité concrète pour Haïti. Je crois qu'on a tous été marqués par les images terribles des séismes, enfin, du séisme qui a frappé l'île le 14 août dernier. Daouda Keïta le disait, des centaines de blessés, disparus, un bilan de plus de 2000 morts, des dégâts terribles et je crois le besoin de tout qui s'exprime pour la population haïtienne. Et on est, je sais pas comment dire ça, je vais pas dire la double peine, mais on est déjà dans une île qui est déjà frappée par une situation dramatique, hein, puisque les Haïtiens survivent avec moins de 2 dollars par jour et souffre pour une part de la population d'une malnutrition chronique. D'autant que on est dans un pays où aussi, là aussi, les catastrophes se succèdent, ouragans, tremblements de terre. Et je crois qu'on a aussi en mémoire, c'était en 2010, un terrible séisme qui avait coûté là la vie entre 250 000 et 300 000 personnes et laissé le pays exsangue avec plus d'1,5 million de sans-abri. Je crois qu'il faut se pencher là-dessus parce que c'est pas qu'une histoire de malchance, c'est pas qu'une histoire de malchance qui s'acharne sur Haïti. C'est pas une fatalité. Évidemment, on changera pas le fait que Haïti est sur une faille sismique, mais on peut empêcher que les conséquences d'événements soient sempiternellement aussi terribles. C'est ce que dit le poète et écrivain haïtien au journal L'Humanité. Je vois que je n'ai pas écrit son nom, ce qui est dommage parce qu'il va me sortir de la tête. Mais il dit les conséquences du séisme peuvent être plus lourdes en Haïti, mais cela relève de l'histoire, du social, de l'organisation de la société, du rapport entre l'État et la nation, du niveau de développement. Tout discours sur la malchance relève de la paresse éthique et intellectuelle. Il poursuit en soulignant ce qui se passe aujourd'hui et le résultat de politiques menées depuis des siècles. Et les événements politiques aussi qui s'y déroulent ne font qu'aggraver la situation. Je renvoie évidemment ce qui est arrivé au président de ce pays. Et je pense que aussi, Mohamed évoquait tout à l'heure la situation qui est faite aux Algériens, aux Marocains et aux Tunisiens, mais on a aussi en tête les images qui nous proviennent des États-Unis, de la manière dont les autorités américaines ont traité les Haïtiens suite à ce problème, et ce qui a entraîné d'ailleurs la démission de l'émissaire américain Daniel Foote pour protester contre ces décisions du gouvernement Biden. Tout ça, je pense, nous rappelle d'une manière générale qu'on ne peut pas mettre les peuples sous le tapis, qu'on ne construira pas un monde de paix et de développement pour tous sans reconnaître les droits de tous les peuples à exister, se développer et vivre en paix. Au mois de novembre, c'est ça que je vous disais, une initiative à venir, on a, avec un des initiateurs de la plateforme des associations franco-haïtiennes, donc Macandy Tout-Puissant, qui est administrateur actuellement de la plateforme et qui a été longtemps le président, va venir. Et donc, on aura une initiative avec lui et qui te permettra à la fois de comprendre et d'agir. Et vous êtes évidemment tous les bienvenus. Et je crois que, sans minimiser quoi que ce soit, mais les sommes que nous votons, elles sont importantes. Je veux dire, elles sont aussi dérisoires face à la réalité des problèmes auxquels on a à faire face. Et je crois qu'il faut rester mobilisé aux côtés du peuple haïtien ou aux côtés du peuple algérien et de la Kabylie, comme nous le faisons. Un petit regret, mais c'est juste comme ça pour dire, mais je crois qu'on fait bien de travailler avec Cité Unie de France. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème en la matière. Mais par ailleurs, il y a parfois des associations dédiées. Là, le cas, je citais la plateforme des associations franco-haïtienne. Bon, la ville de Villetaneuse et la ville d'Aulnay vont voter une subvention pour cette association. Je crois que parfois, on pourrait être aussi amené à se diriger vers des associations plus spécifiques qui agissent dans le domaine. Voilà, je resterai là. Merci. Juste un complément par rapport à ce que disait Mohamed Jenan. Il y a eu également un travail en lien avec la Coordination nationale des Berbères de collecte de dons, notamment dans les pharmacies. En plein mois d'août, Brian Lacour s'est démené en pleine vacances pour faire le tour des pharmacies, et notamment une pharmacie rue Robespierre qui a été très, très solidaire avec l'initiative lancée. Donc, est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Pas d'autres remarques ? Donc, on vote sur la délibération 15 sur la subvention exceptionnelle pour la situation en Kabylie, qui est pour. Qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé, je vous remercie. Et la délibération 16, subvention exceptionnelle pour la situation en Haïti, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. L'ordre du jour est épuisé. Je vous remercie. Bonne fin de soirée.